Alors, comment ça va se passer? Donc, je vous invite à cliquer sur le salon French. Vous irez voir la description. Donc, ça sera en quatre parties. Donc, la première partie introduction, deuxième partie résumé des événements, troisième question le débat question-réponse et après les petites phrases de clôture. Ok. Alors, en intro, on va un peu checker les outils que vous avez. Si, on est dans le salon French. Il faut que tu cliques dessus. Voilà, tu cliques sur le salon French et tu regardes à droite dans ta fenêtre. Normalement, il y a marqué, il y a une petite description du salon sur laquelle ben, il y a toutes les infos. Alors, je vous préviens que j'enregistre, tout simplement pour les personnes qui sont absentes. Le texte, oui, enfin, s'il y a des trucs vraiment essentiels dans le texte, pourquoi pas, mais bon. De toute façon, au maximum, on essaiera de répéter des questions en oral. Donc, est-ce que vous êtes tous inscrits à la newsletter? T'es inscrit, Flex? A priori oui, puisque je l'ai reçu. Alors normalement, tu as dû recevoir la newsletter d'hier. T'as trouvé? Ah, ok. Alors, il me semble que tu m'avais envoyé un mail, Flex, non? Ouais. Ouais, normalement, j'ai dû t'inscrire. C'est quoi les deux premières lettres de ton adresse mail? FL, pardon. Oui, je t'ai, oui. Donc, tu as dû recevoir la newsletter. Donc, tu es bien inscrit. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes inscrit sur le site du projet Vénus? Oui. Pour ma part, oui, je suis en train de prendre contact avec toutes les personnes qui concernent, en ce qui concerne la musique, en fait, et voir un petit peu comment ils se sont organisés, comment ils travaillent, et voir ce qu'il est possible de faire avec les équipes de vidéo. Alors c'est avec le Venus Expression alors. C'est ça, ouais. C'est toi qui avais un souci d'adresse email, enfin t'arrives pas à prendre contact avec eux. Pas forcément à prendre contact avec eux, c'était leur déposer déjà des premières propositions pardon, leur déposer déjà des premières propositions de musique, et puis après à voir quoi. Ok, et il y a Nico qui me dit sur le chat que c'est réglé. C'est parfait. A priori, oui. J'ai réussi à envoyer des propositions, je sais pas après si elles ont été reçues ou quoi. Voilà ça. Alors Alfred est plus généralement, enfin le coordinateur de Venus Expression, il est habituellement connecté le soir assez tard, donc c'est peut-être normal que tu n'aies pas reçu de réponse encore. Ok, ça marche. C'est bon, Termitor? Nicolas et Flex, est-ce que vous êtes inscrits sur le groupe France et sur le groupe francophone? Ouais. Un des deux, c'est sûr, l'autre à vérifier. Ah, je t'ai mis l'adresse des deux. Merci. Il faut celui-là aussi, je crois. Alors celui-là, c'est pas une obligation, il est sorti récemment, il n'y a pas encore eu d'annonce dessus. Mais si vous voulez rejoindre ce groupe, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas eu un mail d'Andrew? Non, en fait, c'est... qui c'est, je sais pas si c'est Andrew ou si c'est une des filles. Qui a tout le monde, enfin, qui a beaucoup de monde dans ses contacts, en amis. Donc, elle a invité tous ses amis sur le groupe, donc tous ses amis ont reçu un mail normalement. Ok. t'en sors, Sébastien? Je te sens un peu pataugé là. Nicolas, c'était toi qui t'étais chargé de la traduction du manuel des équipes? Oui. Ok, donc je vais pas te demander si t'en as pris connaissance. Flex, t'en as pris connaissance? Ouais, après j'ai pas encore tout assimilé. Enfin, j'ai pas tout nickel en tête. Ok, mais tu sais où le trouver? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Donc, est-ce que tu allais faire un tour pour toi, pas plus particulièrement flex, du côté de Venus Expression? Ouais, je suis en train de découvrir un petit peu tout ça en fait. Alors, t'as pu faire le tour un peu de la partie communautaire? Je sais pas si t'as pu avoir le temps. Ah bah si, je viens de voir ton avatar. Ouais, un petit peu. Après, je suis encore en cours d'appréhension du site. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, plein de parties différentes. Donc, Ok, pour l'instant, en plus, il est tout en anglais. voilà, pour faciliter les choses. Normalement, on est donc ça fait 4 jours qu'il aurait dû déjà y avoir le site du TVP Activisme sur Pootle, donc c'est un outil d'aide à la traduction communautaire pour l'équipe linguistique, donc pour traduire tous nos outils dans différentes langues. Et le site activiste, il va prendre le site principal, pardon, du TVP, va prendre quelques jours de retard. Pour moi, je pense que ce sera plutôt quelques semaines de retard. Sachant qu'il est mis qu'à 50%, donc d'ici, je pense, on est le 24, d'ici le 6 à peu près, le 6 novembre, on devrait avoir le site du TVP sur Pootle, donc pouvoir commencer à le traduire. Et pour le Venus Expression, c'est pas encore dans le programme. Sachant que pour l'instant le site n'est pas encore totalement terminé et que l'organisation du Venus Expression n'est pas encore tout à fait claire. J'aurais bien voulu avoir Bensi. Bensi, c'est le co-coordinateur du Venus Expression qui habite en Angleterre et qui habite en Angleterre et qui se charge donc de la co-coordination du Venus Expression et devait venir passer un petit coucou ce soir, mais bon, ben je pensais. Enfin bref. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir un contact direct, on a un contact francophone dans la coordination Venus Expression. Donc, Flex, si tu as des soucis pour joindre Venus Expression et qu'il n'y a vraiment pas de réponse d'ici ce week-end, je te filerai le contact direct et puis dans ce cas-là, ben, vous verrez tous les deux. Sinon, tu vas t'inscrire sur le groupe Facebook du Venus Expression et là, tu auras directement les personnes qui sont dans les équipes. Ok, c'est Ben Courtin, c'est ça? Ah oui. Ok, bah je l'ai récupéré normalement au moins sur le site. Après, je vais voir. Je lui ai envoyé des mails aujourd'hui à peine. Ok, parfait. Je t'ai mis l'adresse du groupe Facebook. Re-Termitor. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as pu checker un peu ton compte TVP, savoir si tu étais inscrit? Ah, ok. Bah, je sais pas si c'est toi qui vois. Hein. Le mieux de toute façon, c'est se réinscrire. Hein. L'ancienne base de données n'est plus très fiable. J'ai pas de soucis. Donc samedi aussi, il y a eu une réunion TVP Support. Alors je vais vous dire un peu ce qui s'est passé dedans. Donc on a parlé d'un système assez intéressant de rotation des coordinateurs pour animer les débats. Alors comment je vais vous expliquer ça? Alors attendez. Donc il y a des sujets prédéfinis. Donc bah, par exemple pour les réunions TVP Support, il y a 5 sujets: introduction, TVP updates, projet updates, regional updates, open discussion. Et chaque personne, chaque coordinateur sont invités à s'enregistrer sur la troisième et quatrième partie, c'est-à-dire le projet updates et le regional updates. Donc ça consiste à ben, le fait que ça soit plus pratique pour animer les réunions, c'est-à-dire que on a une liste de personnes, de coordinateurs avec les sujets lesquels ils veulent aborder, et il suffit de prendre dans l'ordre chronologique les sujets à aborder. Comme ça, c'est super super pratique. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en tout cas, en fait, c'est la première personne qui poste sa demande de questions, sa demande de sujets, elle est mise dans le top des priorités pour les échanges lors des réunions. Donc il y a beaucoup d'équipes qui sont en attente et d'autres qui sont en fin d'organisation. Je pense notamment à l'équipe architecture, donc qui va commencer en novembre. L'équipe 3D qui va commencer, qui devrait commencer au mois de décembre. Là. L'équipe de recherche technologique qui a commencé via la section du site TVP des dernières technologies. Alors si vous connaissez pas cette section, je peux vous donner le lien. Ouais. C'est ouais, là où il y a toutes les vidéos, c'est ça? Oui. D'accord, c'est juste une équipe qui va chercher des liens sur internet, quoi, et qui décolle. Voilà exactement toutes les technologies qui sont publiques et mal connues par les gens, ben voilà. Ok. Donc elles vont servir aussi dans le cadre du TVP Collège. Excusez-moi, j'ai un million de liens. Voilà, c'est une section du site qui consiste à envoyer tous les tutoriaux pour apprendre l'utilisation de différents outils. Donc pour l'instant, moi j'attends de voir comment ça va se passer, comment ça va s'organiser, parce que pour l'instant, bon, c'est un peu fouillis côté des nouvelles équipes, parce que ben, c'est très très récent, donc bon. Donc en fait, c'est tout l'ensemble des sites qui concernent le projet Venus qui est relativement récent, ou seulement certaines parties? Alors, toutes les équipes en dehors du TVP Design général, pas les équipes spécialisées du TVP Design, mais TVP Design général et le TVP lui-même, sont deux équipes qui sont organisées. Tout le reste, c'est tout nouveau. Donc ça date de mi-avril, et vu que le serveur, on l'a eu très très tard, donc vraiment au mois d'août, même septembre, on pourrait dire qu'on s'est vraiment installé dessus, les équipes sont ainsi organisées autour. Donc c'est vraiment très très très très récent. D'accord, bah c'est motivant du coup, parce qu'il y a une belle somme de travail de fait déjà. Oui, c'est notamment grâce au TVP Design. Hein. Ils travaillent depuis, si je ne m'abuse, je crois que ça fait 7 ans qu'ils travaillent. Et après toutes les autres équipes, ça fait seulement quelques mois. Venus Expression, c'est un peu moins récent, on pourrait dire que ça remonte à peut-être 4-5 mois, on va dire. TVP Activisme, ça a eu beaucoup beaucoup de mal à se mettre en place parce que le serveur qu'on avait à l'époque était très instable, donc ça a été assez difficile. Après, il y a dû y avoir toutes les équipes de développement web qui sont installées, donc il fallait le temps de prendre en main l'ancien serveur, de reprendre en main l'ancien serveur et de prendre en main le nouveau serveur, donc ça a été assez long. Mais le vrai lancement, quand je dis vrai lancement, c'est toutes les personnes de l'ancien site contactées, va se faire d'ici peu. Normalement, un mail avec une mailing list pardon, contenant 94 000 personnes devrait être envoyé. Et le site TVP complètement finalisé. Savoir que là, ce qui manque sur le TVP encore, le site principal, c'est le TVP University qui contiendra toutes les infos sur le Venus Project. Quand je dis toutes, c'est toutes les informations publiques. C'est bien sûr pas les informations architecturales, etc., avec toutes les mesures, blablabla, qui sont elles protégées par les licences du Venus Project, pour pas se les faire piquer par les sociétés. Tiens, tu me fais penser que d'ailleurs, en ce qui concerne la musique, il faudra que je regarde un petit peu comment ça va se passer au niveau des histoires de droits, etc. S'ils récupèrent aussi les droits pour le Venus Project pour protéger ça, ou si c'est vraiment que de la créa libre. Alors, il y a deux parties pour Venus Expression Media. Il y a la partie activiste pure, c'est-à-dire que on fait les choses en notre nom propre. Donc c'est notamment ce que j'ai fait pour l'image que j'ai publiée la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu, donc où ils m'ont dit d'apposer mon nom avec le copyright, plus un lien sur Venus Expression. Et une autre partie pour les médias officiels de communication du Venus Project, où là c'est en principe tout, c'est une donation complète au TVP. Ok. Bah, c'est pas qu'on utilise les mêmes armes, c'est que le problème c'est qu'on est un peu désarmés, nous, et on se protège. On n'utilise pas d'armes, mais on essaye de se protéger un maximum pour pas se faire piquer toutes les choses. On connaît par exemple, je pense que la plupart d'entre vous connaissent l'histoire du moteur roue canadien, où ils ont développé un projet fantastique pour l'amélioration de la technologie afin de consommer peu ou plus de pétrole. Et ils se sont fait carrément racheter le brevet par les grosses sociétés qui n'ont pas sorti le moteur roue. Donc bon, ça c'est juste une petite anecdote, mais je pense qu'il y en a plusieurs milliers. Et je parle même pas de la brevettisation, pardon, du vivant. Alors sortir de la monnaie, de la société monnaie marchande, il y en a beaucoup qui ont essayé, qui essayent toujours. Et le problème, c'est que ça donne pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire. Il y a beaucoup de sociétés de type décroissance qui sont organisées autour de ça, notamment avec, si vous connaissez l'association Colibri avec Pierre Rabhi, qui existe. Pierre Rabhi, même mon beau-père, quand il était adolescent, donc aujourd'hui il a 40 et quelques années, quand il était ado, quand il avait une vingtaine d'années, il y avait déjà Pierre Rabhi qui militait, etc., etc., dans la direction pour sortir du système monétaire, pour sortir de toute cette société vérolée, qui font toujours la même chose aujourd'hui et qui ont rien changé, puisque ben, tout simplement la société ne peut pas sortir comme ça. Elle va tout le temps, de toute façon, chercher à s'auto-perpétuer pour arriver à ses fins et à sa fin surtout, puisqu'elle va tirer à sa fin et faire émerger un autre type. Et je pense pas, moi personnellement, que la société type TVP que l'on désirerait soit la prochaine société qui sera populaire, on va dire. Ça sera celle d'après. Sinon côté équipe activiste, lors de la réunion, il n'y a pas eu grand-chose à part le Chili qui a fait une interview télé. Mais sinon, il n'y a rien eu d'autre de concret. Le plus grand nombre de projets, c'était les francophones, c'était de notre côté donc, et qui ont fait le plus d'action, entre guillemets. Donc voilà. En tout cas, la réunion n'a pas été très très suivie parce qu'elle a été, tout le monde a été prévenu très très en retard. C'est-à-dire, on était prévenu, je crois que c'était 4 jours avant, donc pour mobiliser tous les gens du TVP, c'est extrêmement dur. De plus, on a de plus en plus de réunions pour toutes les équipes, donc ça devient très très litigieux entre les rendez-vous. Exactement, Thermitor. Donc justement, pour ce pouvoir médiatique, il y a toujours les projets en place du côté francophone. Donc pour un appel de nos projets, donc on a le listing des médias, donc médias télévisuels, médias radiophoniques, médias internet, donc gros blogueurs, gros magazines du net, etc., etc., médias magazines. Et pour l'instant, déjà, ça fait une grosse partie. Donc, pour le Canada, c'est tout fait pour tout ce qui est télévisé. Radio, c'est presque tout fait. Et pour la France, la Suisse et la Belgique, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de fait. Moi, j'avais fait une petite liste que vous pourrez voir sur le blog TVP Activisme. Mais pour le reste, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour un listing. Donc, c'est-à-dire, il faut. Le but de ce projet, c'est de faire une liste, non seulement une liste de tous les médias, Donc ça, la liste, on m'a fourni plein de listes différentes, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir des contacts le plus direct possible. Donc faire des recherches, avoir tissé des liens sur les réseaux sociaux avec différents présentateurs, avec différents responsables de publication, etc., etc. pour pouvoir communiquer en masse vers la personne pour qu'elle puisse faire des publications, créer des interviews, etc., etc. Donc si vous... Ouais, pour l'instant, y a pas d'équipe Media Contacts en France actuellement. Alors c'est tout des équipes internationales. Donc pour l'équipe TV Activisme, TVP Activisme, c'est toutes les équipes réunies. C'est-à-dire que on est aussi bien TVP Media Contact que TVP 3D que TVP X ou Y. Le tout, c'est que si on doit faire un projet, on va le faire en relation avec l'équipe internationale pour pas se déstructurer et pour pas tomber dans une anarchie de communication comme il y a pu y avoir avec certains autres groupes qui sont tombés dans une décentralisation trop excessive, c'est-à-dire où chacun faisait ses listes, ses contacts, etc., etc. de son côté, et vu que rien n'était partagé, ben, il y a eu pas mal de soucis. D'accord. J'avais pas compris ça dans le manuel en fait. Vas-y, dis-moi tout, Nico. Non, non, attends, il faut que je relise le manuel. Je te dirai après. Il y a que certaines équipes du TVP Design qui sont soumises à autorisation en fonction des compétences des personnes. Et sinon, toutes les autres équipes, c'est du TVP Activisme. Tous les TVP Activistes sont conviés de faire partie de ces équipes. Ok. C'est-à-dire, par exemple, si on veut faire un flyer, on peut demander à quelqu'un du Venus Expression s'il peut nous faire une vidéo, même s'il habite aux States, par exemple. On ne fait pas que des médias locaux, tout seul dans son coin. On essaye de partager toutes les ressources qu'on peut avoir. D'accord. Sujet en fait. De toute façon, nous, si on veut produire un média. Il faut respecter toute la chaîne, du manuel, c'est-à-dire le soumettre ensuite à une équipe d'assurance qualité, etc. Et ensuite, il faut que ça passe sur. Enfin, si c'est un peu trop long, il faut que ça passe par Roxane. Et ensuite, si c'est OK, ça passe par les équipes linguistiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, tout dépend du média. Par exemple, si tu sors une musique, tu vas d'abord la soumettre à Venus Expression, qui va la soumettre à l'équipe qualité. L'équipe qualité qui va faire un retour à toi-même plus à Venus Expression. Venus Expression qui va dire ouais, c'est bon, ok, c'est officialisé. Si ta création n'est pas terminée ou si tu étais en passe de terminer, tu finis ta création. Et ensuite, tu rebalances pour l'officialisation, pardon, terminale, si c'était un projet solitaire, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu fais par exemple une musique pour le Venus Project, par contre, si tu fais une musique pour je sais pas, des présentations vidéo ou PowerPoint ou n'importe quoi d'autre, tu es obligé d'être en relation permanente avec les équipes de ce projet-là. Ah ouais, mais donc, parce que je vois que tu as produit par exemple une image hier, je crois, mais je sais plus s'il y avait c'est une image perso, non? Il y a pas le Venus Project dessus, non? Avec les corps humains là. Alors le corps humain, j'ai pas mis. Non, il n'y a pas de copyright Venus Project. Je l'ai soumis à Venus Expression. Venus Expression qui m'a retourné comme quoi il fallait que je mette copyright avec mon nom ainsi que le site Venus Expression. Et je l'ai filé au Venus Expression. Donc pour l'instant, j'attends de savoir s'il y a quelque chose de plus à faire. Sinon, bah, si ça leur convient, bah, moi j'y laisse comme ça. Hein. D'accord, mais tu l'as publié quand même avant. Non, normalement, t'as pas le droit, c'est ça? Ben, normalement, moi je l'avais fait au début pour moi. Après, pour une démarche personnelle, pour faire un peu de pub au TVP, puis je me suis dit, on va pas après la proposer. elle était d'une qualité assez bonne. On peut dire qu'elle était bien parce que bon, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que moi. Et puis bon, bah, ça a été accepté. Donc bah, là, j'ai tout changé et, pour que ça soit en accord avec, avec la charte. D'accord. Alors Terminator, tu demandes, c'est pas un problème de devoir avoir une approche qualité, surtout quand on parle de com, c'est surtout la com qui a le plus de soucis d'organisation alors. Au sein du TVP? Et tu parles de com interne ou de com externe? Alors en com externe, non, il n'y a pas de soucis d'organisation. Si tu veux, par exemple, il y a le contact média. On avait fait le contact pour Russian TV. Et à Russian TV, ça s'est très très bien passé. On, tous ensemble, on a envoyé des courriels comme un seul homme, entre guillemets, à la chaîne. Et ça s'est finalement bien passé puisque Roxane est passée à Russian TV. Ce qui importe, c'est que les gens connaissent bien les schémas, le processus pour faire telle ou telle chose. Quand ils connaissent bien tout le process, il n'y a pas de problème après. C'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs traduire le site TVP Activisme en urgence. Et j'ai un peu jumpé la linguistique, d'ailleurs je me suis fait pas mal engueuler. Mais au moins ça permet que tout le monde, côté francophone tout du moins, puisse avoir un accès à... Un accès, bon, c'est vrai en priorité sur les autres langues, mais un accès à privilégié aux différents outils. Bah, tu vois, c'est justement ce que j'aimerais faire, Termitor, et c'est pour ça qu'il y a cette démarche de listing de médias, de contact médias. C'est justement pouvoir s'organiser en fonction des médias qui sont listés, mais sans liste médias, on peut rien faire. Mais sans dossier de presse non plus quoi. On va pas. Enfin, tu vois, moi je vais pas prendre l'initiative de comment d'envoyer un mail à Canal Plus ou alors d'essayer d'avoir un contact comme ça. Ça c'est pas possible quoi. C'est pas du tout une bonne approche. Non, non, mais dans tous les cas, le listing de contacts, il sera envoyé à la coordination contact média. Et ça se passera comme ça se passe d'habitude, sauf que nous, on va stipuler côté francophone, enfin surtout côté français, parce que pour l'instant, j'ai pas encore demandé aux Belges, aux Canadiens ou aux Suisses comment ça se passe chez eux pour la communication vers les médias. Mais du côté français, je lancerai une spécification comme quoi il faut envoyer par la même occasion un kit de presse, quoi, parce que sinon, nous, on va se faire éjecter. Et puis, ouais, vu ouais, que, ouais. Voilà, vu qu'en plus que les chaînes de télévision en elles-mêmes ne contrôlent pas grand-chose, je parle uniquement bien sûr de France Télévisions, TF1, France 2, France 3, etc. C'est pas TF1, France 2, France 3, etc. qui contrôlent quoi que ce soit, c'est France Télévisions, la direction de publication de France Télévisions, etc. etc. Donc c'est assez complexe. C'est pareil du côté des grands médias français, papier, journaux papier. Il faut voir avec l'AFP, avec Reuters, etc. pour pouvoir avoir des choses assez solides en dossier pour pouvoir contacter tout le monde, quoi. Par contre, bon, pour les plus petits médias, si on vise plutôt les magazines scientifiques et tout, on peut envoyer déjà des mails de requête directement et puis envoyer un kit de presse s'ils sont intéressés. Ah, mais c'est d'abord nous qui devons faire cette liste de médias et ensuite nous on ne s'occupe plus de prendre contact avec eux ensuite. C'est le Venus Project moi, qui va se charger de traduire une demande, un mail avec un kit de presse et l'envoyer directement aux médias qu'on a listés, c'est ça? Bah, en fait, on établit la liste de contacts. On l'envoie à la coordination contact média. La coordination contact média, elle a déjà une longue liste de contact média. Et nous, comme on aura spécifié qu'il faudra un kit de presse, bah, quand ils vont faire les événements pour toutes les équipes contact média, ils vont spécifier, bah, je sais pas, admettons que c'est Canal+, contact petit journal de Canal+, telle adresse, tel mail, tel téléphone, avec un kit de presse. Ok, ça marche. Voilà, et comme les événements qu'il y a une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, pour contacter différents médias internationaux, là ça sera exactement à l'identique, tout le monde pourra se greffer au projet. Est-ce que vous voulez un résumé de tout ce qui s'est fait côté francophone? Ok. Alors, on a traduit les vidéos de Jack, on a traduit tout le site du TVP Activisme, le manuel d'équipe. Tous les communiqués du projet Vénus, notamment via les newsletters que je vous envoie à chaque fois qu'il y a un communiqué, et les communiqués d'Andrew. Bientôt, on aura fini de traduire tous les posters du TVP. On a fait une vidéo pour la campagne Pourquoi je soutiens le projet Vénus, donc je vous invite aussi à faire à l'identique, suivant les spécifications qui a marqué sur le Vénus Expression. On envoie des newsletters environ une fois par semaine minimum. On fait une réunion à peu près toutes les 2 semaines. Nous organisons des médias, des réunions, rencontres, débats. Nous parlons de différents thèmes en fonction des problématiques qu'ont les activistes à communiquer envers le Venus Project, ou des trous qu'ils ont vis-à-vis de leur connaissance sur le VP. On a créé aussi un nom fictif pour donner plus de chances aux personnes francophones d'être redirigées sur le site du projet Vénus, alors que c'est pas fait pour remplacer le site du projet Vénus. Son nom est Civilisation 2.0. On a inscrit un site à l'identique de discovervenus.com, qui est civilisation 2.org. Il présente succinctement le projet Vénus, et toutes les pages ont un lien retour sur le projet Vénus, le site principal du projet Vénus. Pour créer un page rank, c'est-à-dire un référencement plus important, donc moi-même, donc là c'était moi qui parlais, j'ai créé un blog de vulgarisation scientifique, un blog personnel de différents sujets, que j'essaie de mettre à jour régulièrement, donc civilisation2.blogspot.com, pardon. De plus, on a installé AdSense, des pubs AdSense, où nous enverrons des sous au projet Vénus. Donc ça va pas vite, AdSense, c'est 1 euro, on a gagné 1,50 €. Le blog, c'est un blog personnel, mais il supporte complètement le Venus Project et il va complètement dans la direction du projet Venus. Et tous les mots-clés sont pour le projet Venus, ils sont tous dans un but pour rediriger tous les flux sur le projet Venus. On a à peu près 30 personnes pour l'équipe Activiste France, et la plupart d'entre eux ne vivent pas en France. On surveille aussi les articles internet qui contiennent les médias du projet Venus. Donc, quand une personne a montré une image du projet Vénus qui n'est pas sourcée, donc qui s'approprie en fait dans son article sans citer la source, on lui écrit et on lui demande d'ajouter tous droits réservés au Vénus Project avec le site du projet Vénus. Voili voilou pour la mise à jour. Je pense pas en avoir oublié trop. Termitor, est-ce que tu t'es arrivé à t'inscrire sur ce site? Ah non, c'est justement si tu as besoin d'un coup de main et tout, ben, et ce soir, ça serait la bonne occasion, si tu as un souci, qu'on puisse te répondre. Ok, j'ai donné les liens des différents groupes aussi, et puis tu pourras trouver dans toutes les newsletters, en bas de la newsletter, tous les liens sur toutes les choses à s'inscrire ou à connaître qui concernent le projet Venus. Sinon, bon, donc donc on a commencé à en parler tout à l'heure au sujet des projets francophones. Donc on a la liste des contacts médias. des traductions à l'appel. Si vous êtes passionné par la traduction, n'hésitez pas, Nicolas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout ce qui concerne les autres équipes internationales, donc c'est-à-dire si vous faites des musiques, si vous êtes bon en art, quel qu'il soit, n'hésitez pas à envoyer des maquettes, des projets, etc., etc., qui seront traités le plus vite possible. Si vous avez des compétences techniques, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site de la base de données mondiale scientifique et technique. Donc si vous avez des compétences, c'est inscrit dans la newsletter, en bas de la newsletter. Et puis déjà, ça fait pas mal de choses à faire. Merci Nicolas. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà sur tout ça, ou est-ce qu'on commence les débats? Vous me dites. Non, une petite question peut-être un petit peu hors sujet. Le entre guillemets recrutement de bénévoles, tout ça, se fait uniquement de leur propre chef, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés via Internet essentiellement, ou des connexions comme ça personnelles, ou est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites auprès d'associations également, ou des choses comme ça qui sont envisagées? Alors de toute façon, dans tous les cas, quel que soit le cas, c'est des démarches personnelles. Normalement, on prend personne par la main, à moins que Nicolas t'ait pris par la main, je sais pas. Enfin bref, ce sont que des démarches personnelles. À chaque fois qu'une personne me contacte, donc à l'adresse france@tvpactivist.com, je lui envoie le mail de bienvenue, je lui envoie la dernière newsletter, et puis après c'est à lui de faire ses propres démarches et de se tenir au courant de ce qui se fait en fonction de tout ce qui a été inscrit dans les mails de renseignement, newsletter, etc., etc. Bon bah je vais essayer d'entretenir le mythe, Nicolas, ça va être dur. Niveau international, peut-être. Ouais, Polo, t'en touches pas de moi. Ouais, d'accord. Quoi? Quoi? On n'a pas compris, Flex. Enfin bref, dans tous les cas, d'abord on va juste se centraliser sur les médias, parce que les médias ont plus de chances d'avoir de toucher beaucoup plus de monde que pourrait nous toucher une association ou n'importe quoi d'autre. Mais après, de toute façon, oui, on va se diversifier, que ce soit côté virtuel ou que ce soit côté réel. On se diversifiera de plus en plus, ça c'est sûr. Après, le contexte fait que les recherches pour les associations et tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, beaucoup plus long à faire. Les démarches sont beaucoup plus spécifiques, parce qu'il faut qu'on regarde chaque actif de l'association. Quand je dis actif, c'est chaque chose qu'ils font. C'est-à-dire si c'est une association qui prône, la fin du monde juif dans le monde, c'est sûr qu'on va pas trop essayer de les contacter sous le nom du projet Vénus, mais toutes les associations qui sont éthiques, qui sont socialement responsables, écolo, etc., etc. Voilà. Et même les politiques, donc j'ai déjà commencé à établir une liste personnelle, mais même les politiques, on sera à même aussi de les contacter tantôt. D'accord, oui. Tu dis même les politiques? Pardon. Oui, Flex? Non, ok, c'est bon. Ouais, en fait, comment sur le site, directement sur venusproject.com, en bas à droite, il y a des supportive organization. Et dedans, il y a Pangea de Grèce, Futuragora, Humanital, Earth Day Brasil, Exemplar Zero, Ça, et comment sur leur site, eh ben, ils parlent du projet Vénus, ici. Donc c'est et c'est quoi en fait ces sites-là? C'est trois. Enfin, c'est comment? C'est un peu comme Civilisation 2 en France, ou c'est quelque chose de beaucoup plus gros qui existait avant le projet Vénus? Alors, concernant déjà Futur Agora et Pangea, ce sont deux associations, Futur Agora pour le Portugal et Pangea pour la Grèce. Deux associations historiques, entre guillemets, qui sont créées, semble, vers les années 2010, 2009, 2010, 2009, je crois, pour Futur Agora. Tout simplement parce que le mouvement zetgeist qui était avant avec le projet Vénus n'était pas, ne paraissait pas assez sérieux au point de vue des gens. Donc ils ont créé leur association pour donner un apport plus constructif, plus sérieux, plus respectueux envers les propositions de projet Nus pour le grand public. Donc ils se sont fait marquer dans la liste des contacts support. Normalement, ils ne devraient pas trop y rester longtemps parce que... Concernant Futur Agora, déjà ils sont en train de se diversifier énormément, donc ils sont en train de partir un peu n'importe où, je trouve, notamment ben, surtout sur côté Anonymous et côté Indigné. Et Pangea, c'est un peu particulier parce que eux, c'est vraiment que ils agissent que pour la com du projet Unis. Donc c'est-à-dire que c'est une association qui s'est bâtie en Grèce. Et la seule chose qu'ils demandent, c'est des gens qui sont prêts à leur faire des donations pour communiquer plus sur le projet Unus. Donc c'est vraiment un relais projet Unus local. C'est pas vraiment égal à Civilisation 2.0, Civilisation 2.0 qui devait être à l'origine d'une association. Parce que Civilisation 2.0 déjà n'a pas contact aussi historique avec le projet Unus et a pas de... Comment dire? A pas des relais aussi importants que ne peut l'avoir Pangea et Futur Agora. Concernant les autres organisations, sans parler de Scott Keller, les autres organisations, c'est surtout des organisations qui supportent et aident pour la brevetisation des projets, surtout personnels de Jacques, et aussi qui promeuvent Jacques sur le terrain. C'est-à-dire que là, il y avait un projet en Mongolie, par exemple, où ils ont promu les différentes architectures et projets du projet Vénus sur place en Mongolie. Et donc qui des gens qui apportent non seulement la démarche communicative professionnelle d'entreprise, mais aussi des sous tout simplement pour faire vivre le projet Vénus, parce que sans ces trois ou quatre groupes, ben, il y aurait plus de projet Vénus déjà. Donc voilà. Et Scott Keller, c'est une personne qui se présente à l'investiture pour les présidentielles américaines depuis un bon moment. Hein. Il y a tous les documents sur son site. Et qui est totalement conquis par le projet Vénus, qui a contacté le projet Vénus en disant bah, moi je compte faire. Donc Scott Keller qui a proposé au projet Vénus, moi je compte. M'inscrire à l'investiture pour la présidence américaine, mais aussi je compte soutenir votre organisation en même temps que je communique sur mes propres projets pour devenir président. Donc c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il a eu des débats radio, des débats télévisés, etc. Donc il promeut le projet Vénus en même temps que son investiture. Donc c'est assez gros, hein. Imaginez, je sais pas. En importance de candidat, Noël Mamère, ben, je ne vais pas dire Sarkozy ou d'autres, mais Noël Mamère qui promeut le projet Nus. Donc c'est assez bien, quoi. Je crois que c'est tout en organisation, il me semble. Alors, quelle politique? Moi, je ne sais pas. Système américain, je trouve déjà vraiment très bizarre. J'ai pas assez de connaissances dessus, donc je pourrais pas te répondre. Mais tu pourras aller voir sur sa page. De toute façon, il a un... Ouais, mais de toute façon, il a un site web où il a tout mis dessus. Donc si tu veux aller le consulter, et si tu connais pas trop l'anglais, je t'invite à taper son adresse à Scott Keller. Non, je pense pas qu'il gagnera. Son projet est très, enfin, sa candidature est très très sérieuse. Il a dépensé beaucoup. Il a, ouais, comme tous les partis américains, il reçoit beaucoup de sous pour promouvoir plus son image, etc., etc. Mais le fait qu'il le fasse avec le projet ONU, ça montre qu'il s'expose à des gros risques et qu'il est prêt quand même à le faire sans demander rien en retour du projet ONU, pardon. Je serais pas aussi sûr que toi, Terminator. On va voir. Tu m'avais posé autre chose comme question, Nicolas, en plus, non? Non, c'est bon. D'autres questions concernant l'organisation, la com, etc., etc., dans le TVP, en dehors des choses qu'on va aborder dans le débat? Flex, si tu as des questions, hein, tu hésites pas. Et Terminator, j'attends ta question, il n'y a pas de souci. Ben, pour prendre un exemple, je sais pas, concret entre guillemets, imagine que tu as une cabane sur un arbre qui s'est fait scier et qui est prêt à tomber. Alors, est-ce que tu vas essayer de te mettre d'accord sur quand est-ce qu'il va tomber, ou est-ce que tu vas essayer de poser ta cabane ailleurs et de voir de voir qu'est-ce que tu pourrais construire autrement? Ouais, en fait, si je peux me permettre, enfin, par rapport à ce que j'ai lu, le projet Vénus, il va pas chercher à montrer du doigt le système qui s'écroule, mais plutôt à construire la solution et à communiquer dessus. C'est plutôt ça, non? Oui, par exemple, Nicolas, et pour ce que tu dis aussi, Termitor, il faut un plan organisé pour quand ça tombera. On ne sait pas comment ça se passera. Donc, admettons, je sais pas, on prévoit de se faire un stock de nourriture. Malheureusement, il y a une grosse bactérie qui a lâché, ou une bombe nucléaire, ou je sais pas, il peut y avoir justement une grosse pénurie de nourriture, et ceux qui ont plein de nourriture, et ben, ils vont se faire buter pour avoir la nourriture. Enfin, il peut y avoir tellement de possibilités différentes que c'est pas possible de prévoir vraiment quelque chose. L'idée, c'est plutôt penser à un système fonctionnel par rapport à notre planète et pas forcément à ce qui va se passer avant que ce système-là soit opérationnel. C'est très bien pour aborder ça, le débat question-réponse. Merci, Diceb. Bah, on a toujours été dans la totale inconnue. Hein. Tu peux toujours savoir le mieux de ce qui, de ce, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Tu peux pas savoir ce qui aura plus tard. Par exemple, je suis sûr, tu demandais à une personne, je sais pas, fin, début du 20e siècle, dire ouais, il y aura Internet, tout le monde qui communiquera en même temps à la vitesse de la lumière, etc., etc. Tout le monde dirait non, c'est pas possible, ça va se passer comme ça, ou il y a quelqu'un d'autre qui va dire non, ça va se passer comme ça. Même s'ils essayaient de tous se mettre d'accord, ils auraient tous eu faux. Ouais, je crois que c'est pas du tout l'objet du projet Venus, ça. Il me semble, mais. Corrige-moi, Seb, si je me trompe. Oui, tout à fait, mais tu peux continuer, Nicolas. Hein. Vas-y, je t'en prie. Non, moi je. J'ai déjà dit ce qu'il faut, quoi. Je pense qu'il faut présenter la différence entre le mouvement Zeitgeist et puis le. Et le projet Vénus, peut-être, Seb? Le projet Vénus présente le système tel qu'actuellement, les problématiques qu'il y a dans le système, et expose qu'il pourrait y avoir une solution telle que l'économie basée sur la ressource. Point. Le projet Vénus, c'est travailler ensemble dans la direction et les propositions du projet Vénus, c'est-à-dire ce qui est à la page objectifs et propositions du projet Vénus. Bah, je pense que, enfin, dis-moi Terminator, mais je pense que tu connais ce genre de réseau. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de contacter ou d'être en contact ou de connaître quelqu'un qui est en contact avec ce genre de réseau. Des AMAP, les Colibri, tous les trucs de troc, enfin, Célidaire par exemple. Il y a une liste assez impressionnante, donc localement il y a toujours moyen de se retourner. T'habites où, Sébastien? Metz. Je te propose de faire, parce que dans toutes les villes de France, c'est comme ça. Je te propose de faire une liste de toutes les associations qui essaient de créer une indépendance au niveau alimentaire, au niveau de l'eau, au niveau des terres arables, au niveau des maisons, etc. Juste dans ta ville. Tu verras, tu seras assez impressionné. Je l'ai fait moi personnellement avec le mouvement Zeitgeist pour Clermont-Ferrand, là où j'habite. J'ai été très très très très impressionné. J'ai fait aussi pour les gars qui sont dans la conspiration et tout. J'ai jamais cru qu'il y en avait autant. Pas bon. Ouais, mais ce qui est intéressant dans les genres d'associations comme celle-ci, c'est pas le fait leurs idées forcément, c'est surtout qu'ils ont un carnet d'adresses assez bien rempli. C'est-à-dire que tu vois des gens qui ont des champs, ou si tu veux savoir si tu peux partager des champs avec eux, des ressources X ou Y, et ben tu sauras que ces personnes-là sont disponibles. À mon avis, en fait, c'est pas qu'on sous-estime l'impact, c'est que comment. Enfin, là encore, tu m'arrêtes, Sébastien, si je me trompe. Mais Terminator, l'objet du projet Vénus, c'est pas de discuter du crack, de ce qui va nous arriver, que ça va être la fin du monde ou quoi. En fait, ou même en fait, d'évoluer spirituellement chacun, en fait. Enfin, tous ensemble plutôt. Ça, en fait, il faut que ce soit chacun qui le fasse avec ses sources, quoi. Mais le projet Vénus, c'est plutôt un projet professionnel qui va apporter des solutions concrètes et construire le monde du futur. Mais c'est pas communiquer sur le fait qu'il va y avoir un crack, que ça va être de la merde et tout, quoi. Oui, et puis le krach du monétarisme, c'est une chose. Et tu as vu Nico aussi, il y a des histoires de pétrole. Et je pense qu'il pourrait y avoir sûrement, probablement, beaucoup d'autres choses à se passer sans qu'on y ait pensé, sans qu'on y soit préparé. Donc, Oui, et puis on peut sous-estimer l'impact de la crise, mais on peut aussi la surestimer, hein. Il peut y avoir dans les deux sens, on ne sait pas ce qui peut arriver. Dans tous les cas, voilà, comme tu dis Nicolas, et puis j'approuve ce que tu as dit, c'est pas l'ordre du projet Unus. C'est dans le cadre du personnel, du particulier. Chacun doit être préparé à ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et ça, on sait tous qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là tout le problème. Et je dis pas seulement pour les particuliers, les personnes lambda, mais même au niveau des personnalités politiques, des personnalités économiques, ils savent pas non plus ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas réellement une conspiration arrêtée, c'est surtout des personnes, parce que j'en ai beaucoup dans mes contacts, c'est des personnes qui font comme nous, qui sont sur les réseaux sociaux, qui regardent des vidéos, qui vont aux chiottes aussi. Ça, je dis pour les gens qui sont fans de personnalités, vous savez, les groupies et tout. Je dis ça à une bande de groupies qui m'ont fait des yeux ronds et tout. Mais bon. Enfin, bref, c'est tous des gens comme nous et chacun pense que l'autre risque de le bouffer parce qu'on est dans un monde pro-capitalo. Et au contraire, je dirais même que plus les gens sont élevés socialement, plus ils ont du mal à faire des introspections et plus ils ont du mal à savoir non seulement ce qu'ils font, mais à réfléchir sur leur propre avenir. Ils pensent surtout à l'immédiat, ils pensent surtout à ce qui va tomber dans leur coffre, et puis le reste, ils s'en foutent un peu et ils ont beaucoup de mal, quoi. Bah, à part les choses pipi caca, les blagounettes et tout, ça reste du domaine de l'universel. Mais voilà, c'est pour ça que même dans tous les niveaux, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment gérer ça. Tous les acteurs économiques, politiques, populaire, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. La société continue sa route. Certes, elle cherche à s'auto-perpétuer. Elle n'y arrive plus. Elle commence à être décrédibilisée. Mais ça va donner autre chose qui donnera à son tour autre chose. Nous, on doit être côté Venus Project intemporel. On doit pas être dans les combines monétarisante, politisante, etc. On doit juste continuer nos objectifs, on doit continuer notre liste, parce que sinon on s'en sortira jamais. C'est comme si Darwin avait arrêté parce que ben voilà les religieux menaçaient de le tuer et tuer sa famille qui était d'ailleurs contre lui, y compris ses propres enfants. Donc il faut juste essayer d'aller de l'avant, essayer de travailler tous ensemble dans un objectif commun. Qui est défini sur le site principal. Et une fois qu'on arrive à ça, qu'on a déjà réussi tous à recentrer ses idées là-dessus et qu'on travaille dans un élan commun, on arrivera à donner de grandes choses. Et on a déjà donné des choses assez sympathiques. Et ça va continuer à donner des choses de plus en plus sympathiques et surtout importantes. Donc, je sais pas, Flex, Nico, Sébastien, vous avez quoi comme information concernant l'état actuel de nos technologies, par le projet Vénus ou par vos propres sources d'informations sur le stockage de l'énergie, par exemple? Là, tu parles des questions qu'il y a dans qui ont été posées, quoi. C'est des questions de Sébastien, ça? De Thermitor? Non, pas forcément. Tu demandes si on a des informations sur l'état de la technologie en général, quoi. Pas lié au projet Vénus ou... Je comprends pas très bien en fait la question. Alors, par le projet Vénus, par le biais du projet Vénus, déjà, quelles sont nos connaissances vis-à-vis de nos projets, de notre état actuel de la technologie, par le biais du projet Vénus? Est-ce que vous avez un peu exploré le site, etc., pour permettre de pouvoir répondre à cette question? Pas sur ce point précisément, en ce qui me concerne. Non, et j'avoue que moi, enfin, je te l'ai déjà dit, en fait, moi j'ai du mal à trouver de l'information concrète sur une technologie qu'aurait développée Jacques Fresco, quoi. Alors, je dis l'état actuel, hein, pas des choses qu'a développé Jacques Fresco, mais l'état actuel de nos technologies. Le projet Vénus n'a pas, à ma connaissance, développé de technologies concrètes. Non, mais sans parler de ça, l'état actuel des technologies X ou Y dans notre monde, sans parler du projet Vénus, mais dont l'information a été donnée par le projet Vénus. Non, moi j'en connaissais déjà pas mal avant, non, je n'ai pas trop de. Enfin, le projet Vénus ne m'a pas montré beaucoup de choses, quoi. Du coup, si t'en connaissais pas mal avant, moi je veux bien un petit résumé comme ça de ces solutions de stockage d'énergie, parce que j'ai toujours entendu que c'était vraiment un gros problème. Et voilà. Ah non, moi j'ai. Moi, par contre, le stockage de l'énergie, moi je connais pas, à part les piles, quoi. Mais là, enfin, la question portait sur les technologies en général, quoi. Alors pour ce qui est de ce que le Venus Project montre de l'état de nos technologies, c'est sur les dernières technologies, la page que je vais passer tout à l'heure. Oui, ok. Là, vous trouverez en anglais tout ce qu'il y a sur les dernières technologies et qui est agrémenté assez régulièrement. Donc moi-même personnellement, j'ai pas regardé toutes les vidéos parce qu'il y en a déjà un sacré paquet et mon écoute de l'anglais est pas à un niveau assez excellent pour permettre de rester une demi-heure, une heure devant une vidéo en anglais. Faut que je la décompose en beaucoup de morceaux, donc j'ai un peu de mal. Mais sinon, moi, c'est surtout niveau agriculture que ça m'intéressait, et au niveau graphisme, même si je suis super nul en graphisme, j'aime bien la qualité graphique. Et par exemple, j'ai publié juste quelques articles sur le blog au niveau graphique. Et au niveau de la technologie, j'ai commencé agriculture, j'ai commencé avec l'hydroponie. Ouais, j'attends de voir d'ailleurs si le si, si la 3D par si la 3D par atome si c'est un fake ou pas. Parce que j'ai un gros doute. Bah d'après mes renseignements, il y a vraiment des publications scientifiques qui ont été faites là-dessus, donc c'est vraiment sérieux. Et ça s'est vraiment basé sur la technologie médicale. Je vais attendre de voir un gros bon jeu avant. Oui, mais comme ils ont dit, ils ont fait l'île entre guillemets vite fait pour présenter quelque chose et pour dire aux gens qu'ils n'étaient pas morts, qu'ils étaient au boulot, quoi. Ah ouais. Exact, ouais. Bah, ils devraient donner des réponses sous peu, vers la fin de l'année, mais bon, on va bien voir. Sinon, pour ce qui est du stockage de l'énergie pour la suite de la question, j'ai vu les piles, je connais le système de piles, les différentes batteries, différentes technologies de batteries, y compris végétales. Mais sinon, en dehors de ça, je ne sais pas grand-chose. Mais les batteries végétales, par exemple, voilà, c'est quelque chose que je connais, que je publierai bientôt d'ailleurs. qui est assez intéressant et assez prometteur. Mais voilà, sinon c'est tout ce que je sais. Alors si vous en savez plus sur le stockage d'énergie, allez-y, dites-le. Non, pas du tout, mais tu développais un peu sur la pile dont tu parles justement? Bon, en fait, il y a deux sortes de piles. Comment dire, vivantes entre guillemets. Enfin, bref, il y a la pile végétale, donc je crois que c'est avec des algues. Et il y a la pile à partir de cellules de poissons comme les anguilles électriques. Et après, il faudrait que j'aille revérifier mes sources. Mais c'est une technologie qui a l'air d'être assez intéressante, qui stocke pas infiniment l'énergie, mais qui en distribue assez pour alimenter des diodes, par exemple. Donc la technologie est à développer, mais ça reste encore assez succinct pour ce que j'ai en renseignement. Le stockage par gravité, je connaissais pas, tiens. Peut-être que la personne qui nous a posé les questions. Ah, peut-être. Vas-y, vas-y. Non, enfin, je pense que de toute façon, parler des technologies entre nous, ça va pas trop nous, ça va pas trop nous avancer. Et je pense qu'il faut plutôt avoir des liens qu'on peut lire un peu tous les jours. Donc ton principe du blog, en fait, il est nickel, quoi. Parce que puisqu'en fait, tu ajoutes tes liens et puis vers des articles et tout, et puis comme ça, on peut chacun apprendre, quoi. Mais là, de toute façon, on discutait ce soir, sauf sur un truc précisément avec quelqu'un qui s'y connaît très très bien et qui explique comment il fait telle technologie. En fait, si on, ben, je pense pas que ce soit très efficace de parler comme ça des technologies en général. Tu vois, sauf si, tu vois, à moins qu'on soit des experts dans tel domaine ou voilà quoi. Alors moi pour le nucléaire, je suis pas du tout convaincu. De toute façon la fission, je suis pas fan. Pour ce qui est de la fusion, pardon, le bombardement électron et l'autre, le puits à cavité ou un truc comme ça, je suis pas encore totalement convaincu. J'attends de voir des exemples concrets, même si j'ai vu quelques vidéos qui avaient l'air assez intéressantes, mais. Voilà, il faudrait que j'ai des détails, il faut que j'ai des plans, etc. pour pouvoir dire ça veut dire quelque chose, quoi. Enfin, côté au niveau domestique, côté utilisation domestique. Parce que moi, c'est ma spécialisation, je suis électricien, donc je pourrais peut-être dire quelque chose, mais sinon le reste. Oui, j'ai vu les trucs sur la Z machine, mais là je suis pas du tout convaincu par contre sur la Z machine. Mais après, bon, voilà, c'est qu'un avis personnel, subjectif, donc. Bah, il faudrait que j'en parle sur le blog, mais c'est trop polémique et j'aime pas. Et j'aime pas tout simplement Ah, parce que à chaque fois. pardon, c'est pas la machine avec qui crée du courant par magnétisme ou quelque chose comme ça? Je crois que c'est la plasma, non? Tu me dis, Sébastien? Ah non, c'est pas ce que je pensais. Voilà. Et puis Jean-Pierre Petit, j'ai suivi pendant un temps pas mal de son blog, et puis j'avais un contact semi-direct via un collègue qui connaissait directement Jean-Pierre Petit. Puis bon, c'est surtout une personne qui a beaucoup de soucis personnels et qui cherche beaucoup à revalider entre guillemets au niveau des experts. Et non, oui, c'est pas la seule référence, mais c'est vrai que. Après, moi, je prendrai jamais Jean-Pierre Petit comme référence. Maintenant, c'est. Enfin bon, il est un peu. Comment dire? Voilà, enfin, il est complètement désespéré par le fait qu'il s'est fait lâcher de partout et donc bon. Alors peut-être qu'on peut peut-être jumper sur d'autres questions. Alors, votre avis sur comment stocke-t-on l'énergie dans un système où la production de l'énergie est décentralisée, puisque les énergies renouvelables sont accessibles en tout point du globe? Je pense que c'est dans une EPR. Alors moi, peut-être la question que je poserais vis-à-vis de ça, pourquoi il y aurait besoin de stocker de l'énergie si un circuit entre guillemets qui fait toute la surface du globe avec toutes les connexions disponible, il n'y a peut-être pas besoin de centraliser l'énergie à un niveau local pour la redistribuer ensuite. Un stockage, c'est une centralisation. Même si voilà, il peut être distribué, mais c'est quand même, ça reste quand même une centralisation au niveau d'une batterie, une centralisation locale. C'est pas. Si tu veux, c'est pas de l'énergie en mouvement. Comment dire ça? Moi, je pensais plus à une distribution permanente, c'est-à-dire un flux permanent électrique, quoi. Enfin, la production de l'énergie n'est pas centralisée, hein. Jacques Fresco, il a toujours dit que les bâtiments produisaient leur propre énergie. Donc en fait, c'est chaque bâtiment qui produit l'énergie. Et ensuite, après, je pense qu'il y a des centrales géothermiques ailleurs, enfin, marées motrices, etc., éoliennes, quoi. Mais déjà, en fait, il a bien dit que chaque bâtiment devait récupérer l'énergie solaire, quoi. Oui, tout à fait, mais tu vois, au cas où il n'y a plus de soleil, qu'il n'y a plus de vent, ce qui arrive très peu de fois dans l'année, et tu as besoin de stockage, certes, mais si tu prends pour chaque endroit, par exemple, tu prends 10 bâtiments, tu les alimentes tous avec des énergies alternatives suivant leurs besoins, et que par exemple, un bâtiment a plus d'énergie parce qu'il n'y a plus de vent, plus de soleil, etc., etc., et qu'un autre a toujours un surplus. Ben dans ce cas-là, tu peux faire jumper la centrale de distribution et alimenter les réseaux cœur pour les redistribuer plus aisément à toutes les extensions. Enfin bon, voilà, c'est ça, comme tu dis, Sébastien, ça dépend de chaque installation, ça dépend de la demande locale, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs, quoi. Donc l'idée serait plutôt de trouver des moyens de la distribuer correctement en limitant les pertes, parce que je crois savoir qu'actuellement la distribution d'électricité, par exemple, génère énormément de pertes. Oui, exact, ça génère beaucoup beaucoup de pertes. Par exemple, dans les centres relais de transfo, les pertes sont considérables, sont vraiment considérables. Et puis on peut parler juste avec ce qu'on connaît actuellement, et encore, on ne connaît pas tout actuellement, donc on ne sait même pas si on peut parler là-dessus, mais tout ce qu'on connaît nous personnellement. Donc ça se trouve déjà, il y a beaucoup beaucoup d'autres solutions qui peuvent être proposables, comme ce que tu dis, Thermitor, pardon, vis-à-vis de la superconductivité, mais ça se trouve, il y en a beaucoup d'autres, et il y en aura, je pense, beaucoup d'autres dans le futur. Je ne sais pas si cette question est très intéressante vis-à-vis du débat technologique pour une VR. Elle est liée aussi forcément à la manière dont on fera évoluer le matériel qu'on va utiliser. Je pense à un ami qui lui met toute sa maison à un voltage vraiment différent. Il a changé tous ses adaptateurs, tous ses transfos. Et du coup, il a une consommation qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous on peut faire, enfin, du moins chez moi ou les trois quarts des bâtiments qu'on connaît, quoi. Ouais, par exemple, que les ampoules à basse consommation, entre guillemets, parce que je trouve pas que c'est de la basse consommation, mais bon, consomment déjà énormément plus que les ampoules à diode. Donc, bon, y a des solutions déjà aujourd'hui qui, si elles étaient appliquées, seraient beaucoup plus positives. Donc, je pense que dans le futur, il devrait y avoir des choses encore plus passionnantes et plus performantes. Et je pense que ça se fera vis-à-vis de la première vitesse, quoi. Je pense pas qu'on puisse le faire avant sans avoir tout sur la table avec les ingénieurs qui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a ça qui est demandé, il y a ça qui est requis, etc., etc. Bon, next. Alors, bon, les questions, c'est ce qui m'ont été envoyé pour ce soir, donc je vous l'ai dit, hein, c'est pas un souci. Avez-vous déjà entendu parler de la solution de Jeremy Rifkin sur l'économie de l'hydrogène pour stocker de l'énergie? Moi, personnellement, non plus. Apparemment, toi, Thermitor, oui, et toi, Nico? Nicolas? Oui, puis on peut peut-être aussi imaginer qu'il y aura d'autres solutions énergétiques dans l'avenir pour s'éclairer, etc., etc. Même l'électricité, ça se trouve que bah, on n'aura plus d'électricité après, ça sera une autre solution qui aura été trouvée, qui sera plus performante que l'électricité. Oui, voilà, ben aujourd'hui ça, Sébastien, l'électricité, la technologie maîtrisée. Mais dans le futur, il y aura sûrement d'autres choses. Renico. Donc on parlait, donc la question là, c'est, avez-vous déjà entendu parler de la solution de Jeremy Rifkin sur l'économie de l'hydrogène pour stocker l'énergie? Non. Donc, la personne qui m'a envoyé cette question me demandera, je lui passerai le contact de Thermitor pour qu'il puisse lui répondre. Alors, comment le projet Vénus envisage-t-il l'évolution de la démographie dans un passage à une EBR? Et il dit, les derniers siècles ont vu la population croître comme cela, en posant un lien. On doit donc se poser la question, que se passe-t-il d'un point de vue démographique si on satisfait beaucoup mieux les besoins de la population? C'est difficile à prédire, mais j'aimerais connaître le point de vue de Jacques là-dessus et le vôtre. On t'écoute. Alors, j'ai pas le point de vue de Jacques. La seule chose au niveau de la démographie qu'il a dit, c'était au niveau du contrôle de l'essence au niveau particulier, c'est-à-dire que les personnes, en fonction des ressources, verront intelligemment, sauront contrôler seules le niveau de natalité. Moi, d'après ce que j'ai pu voir dans le monde, vis-à-vis de la population démographique, c'est plus les gens voient leurs attentes insatisfaites, moins ils font d'enfants. Plus ils voient leurs demandes satisfaites, alors attendez, moins ils voient leurs demandes satisfaites, plus plus ils font d'enfants, plus ils voient leurs demandes satisfaites, moins ils font d'enfants. À l'image du Japon, par exemple, qui est l'un des pays les plus avancés technologiquement, qui a, l'autre fois j'avais vu un article, je crois que c'était sur Le Monde, 13 ans d'avance sur nous, qui est l'un des seuls pays, avec la Russie, mais la Russie c'est un autre cas, qui a une démographie négative. Donc ça veut dire qu'ils perdent de la population. Et on voit bien que dans les pays pauvres, moins ils ont accès aux ressources, moins ils ont accès aux choses, plus le taux de natalité est fort. Je suis en train de charger ton lien. Mais ça c'est actuellement, ça se passe comme ça dans les pays développés. Mais ensuite, on peut pas dire qu'on sache vraiment ce qui se passerait dans une BR où les gens, où la plupart des gens auraient toute leur journée devant eux à faire ce qu'ils veulent, quoi. À mon avis, c'est plus par l'éducation, quoi. Jacques Fresco, il a dit d'ailleurs, enfin, lors de l'une de ses conférences, comment il disait, Max, c'était par l'éducation, Max, qu'il fallait contrôler les naissances. Voilà, contrôle de naissance volontaire, voilà ses propres termes. Allez, je m'en suis rappelé, merci Nico. Ah, je vous ai donné le lien sur la croissance négative. Ouais, mais tu vois en fait comment quand il y a une pression sociale comme chez nous, bon, comme dans tous les pays développés où il faut travailler et ensuite, bah, t'as pas beaucoup de temps pour t'occuper de tes enfants, quoi. Il faut que tu passes ta journée au boulot, que tu récupères des thunes. Ensuite, bah, tu es un peu inquiet pour l'avenir de tes enfants. En fait, t'as plus de pression sociale là dans les pays développés. Donc du coup, en fait, bah, c'est peut-être ça, bah, qui donne, bah, qui, bah, qui nous oblige un peu à avoir moins d'enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que dans les pays développés, est-ce qu'on fait moins d'enfants, quoi. C'est pas juste le lien. On répond à nos besoins et donc du coup on fait moins d'enfants, quoi. Ça, j'ai pas l'impression. Enfin, si quelqu'un a un lien pour reprouver ça, je suis preneur. Dans certains peuples insulaires, c'est vraiment en fonction des ressources qu'on réagissait. C'est-à-dire que si on savait qu'on n'avait pas assez de ressources pour les enfants, on ne faisait pas d'autres enfants. C'est quoi déjà le... Attendez, 2 secondes. Après, selon les peuplades, il faut aussi prendre en compte la capacité d'une personne ou d'un groupe ethnique à s'occuper justement de sa jeunesse. Donc, est-ce que justement toutes ces technologies-là vont pas. Enfin, ça va vachement intervenir aussi dans ce truc-là, quoi. Ouais. Moi, je pense personnellement que plus une population. Elle saura s'occuper, se divertir, se protéger aussi, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des. Je dirais dans toutes les nations, puisque même côté France, le préservatif, par exemple, ou la pilule, n'est pas forcément pris à 100%. Oui, excusez-moi. Je disais que dans la plupart des pays du monde, la contrôle, on peut pas savoir, comme tu disais tout à l'heure, c'est qui disait, Termitor, on peut pas savoir vraiment notre potentiel de développement. C'est exactement ça. De toute façon, dans les populations aujourd'hui, les gens se protègent pas forcément. Mais si on savait exactement où en sont nos ressources, par exemple, on sait que, je sais pas. Il reste tant de pourcents de ressources pour tant de pourcents de population et que il y a tant de ressources encore disponibles qui pourraient être renouvelables pour une future génération. Ben, on va pas excéder ce nombre de personnes, surtout qu'on est au courant, parce que bah voilà, on a envie de faire des gosses, on saura mieux se protéger, on pourra se faire. À prendre en compte si le fait que les personnes soient beaucoup plus libres de leur épanouissement spirituel et autres, voir à quoi elles vont passer leur temps, si effectivement elles vont excessivement Aniquer. se reproduire ou plutôt le faire un peu pour la population, pour se renouveler, pour le plaisir j'imagine, de créer le futur, les générations futures. Mais à mon avis, ce ne sera pas que axé là-dessus, quoi. Non, mais il y a beaucoup de facteurs de toute façon qui peuvent permettre de prédire qu'un contrôle de population, dans un premier temps volontaire, par l'éducation au niveau des ressources locales, dans un premier temps, parce que Venus Project, je pense pas qu'il s'implantera dans tous les pays immédiatement, en un claquement de doigts, mais tout du moins, bah, on imagine comme si on était sur une île, qu'est-ce qu'on a comme ressources? On a relevé toutes les ressources qu'il y avait, toutes les ressources renouvelables, quel est l'excédent? Et en fonction de l'excédent, on sait que pour l'avenir, il y aura tant de ressources qui pourront être disponibles et qui pourront permettre aux générations futures de se développer et de croître. Sachant qu'avec nos techniques de production actuelles, on a déjà, on pourrait déjà nourrir deux fois la population mondiale, puisqu'on gaspille 60%, 50 à 60% de la nourriture d'après la FAO, sans compter toutes les saloperies qu'on fout dans les plantes et les terres qui sont plus arables. On pourrait nourrir 2 à 3 fois même la population mondiale. Et bon, ajoutons là-dessus la technologie via l'hydroponie, l'aquaponie, l'aéroponie et toutes les autres technologies de culture existantes, on aurait largement de quoi faire pendant un long moment. Mais la nourrir, c'est une chose, mais si tu places deux fois la population de la planète, si tu prends deux fois la population sur notre planète, il faut aussi lui donner accès à son logement. Est-ce qu'on continue dans ce cas à évoluer dans une indépendance comme on le fait maintenant sur le logement? Il y a aussi toutes les histoires après de si ces personnes-là n'ont pas autant de temps à passer au travail, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc les moyens matériels aussi pour satisfaire ce temps-là. C'est aussi des choses à prendre en compte, pas seulement la capacité à la faire vivre. Bah déjà, je pense que partir dans une population, dans un système type EBR, fera déjà que la population sera beaucoup plus mobile. Je vois que quand les personnes ont accès à tous les biens et services, la plupart du temps, les personnes des élites, les personnes riches, elles restent jamais au même endroit. D'ailleurs, elles se foutent complètement de leur logement, etc., etc. Leur but, c'est de voyager, de découvrir, etc. C'est ça qui les botte. Donc, la question matérielle, je pense qu'au niveau déjà transport, au niveau routine, entre guillemets, pour la nourriture, sommeil, etc., ça ne sera pas un souci. Au niveau après matériel, tout ce qui est créatif, tout ce qui est invention, etc., etc., ça c'est un autre domaine qui sera soumis à évolution. Donc, concernant la nourriture, ça ne sera pas soumis à évolution parce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui, on peut chercher à connaître les ressources qu'on a aujourd'hui, etc., etc. Mais pour ce qui est de ce qui sera plus tard au niveau, par exemple, artistique, on ne peut pas le savoir. Et oui, comme tu dis, Sébastien, apprendre à agir de façon intelligente. Flex, Nicolas, vous pouvez continuer à réagir. Hein. Non, non, ça, Termitor, c'est le mouvement Zgeist qui se charge de ça. Je sais pas, Sébastien, est-ce que toi en fait t'as une vision de comment de ce qu'est une famille qui vit dans une ville Vénus quoi? Est-ce que t'arriverais à dire genre en fait m'a tué dans une maison, c'est dans une ceinture de la ville, et le matin vous vous réveillez et qu'est-ce que tu fais? Que fait ta fille etc. quoi. Est-ce que tu peux décrire un peu ta journée un peu? Alors, j'ai pas toutes les informations sur le projet Venus, tout simplement aussi j'ai pas lu Looking Forward, qui décrit justement la vie de différentes familles dans une EBR. Mais d'après les connaissances que j'ai maintenant, connaissances qui sont bien sûr limitées, déjà une famille ne serait pas à l'identique de ce qui est maintenant. C'est-à-dire qu'une famille composée de la maman, papa, ou maman, maman, ou papa, papa, je ne pense pas qu'elle existerait encore. Ce serait au niveau communautaire. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours les parents géniteurs qui auraient la relation la plus privilégiée avec l'enfant, relation du sang psychologique qui est très importante, liée avec le fœtus dans le ventre de la mère. Mais toute la communauté ferait profiter l'enfant du savoir, des visites, des voyages, etc., etc. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, l'enfant peut aller au centre communautaire chercher de l'information, aller voir différentes personnes pour travailler sur différents projets, voyager à l'autre bout du monde pour aller voir des dauphins, etc., etc. C'est pas... Il peut y avoir tellement de choses à faire sur une planète qui n'a pas de limite que la vision étriquée que je peux en avoir tout de suite est difficile à être en exponentiel. Non, ma fille n'est pas à l'école déjà. Et je pense que l'école sera... Enfin, j'avais commencé à écrire un livre qui a été perdu avec mon installation d'ordinateur. Enfin, bref, l'éducation, la meilleure éducation qui peut être proposée, c'est la... Vas-y, dis. Non, non, je parle en fait de ta journée. Enfin, déjà, en fait, ta fille, elle dort chez toi quand même. Hein. Quand tu parles de communauté, en fait, y a la relation entre enfin, la relation entre toi et ta fille, ça sera la même. Elle dort chez toi, et puis le matin, enfin, tes enfants, ils se lèvent, et puis ils vont à l'école, quoi. Déjà, je pense que le dormir chez soi, je pense qu'on n'aura pas de véritablement chez soi, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on sera plutôt des gens qui n'auront pas de pied-à-terre mis à part sur la Terre qu'autre chose. Donc, il n'y aura pas forcément de lien très conscrit à la famille proche comme on l'a aujourd'hui. Ce sera des liens beaucoup plus épanouis avec différentes personnes. C'est-à-dire que, admettons, une famille pendant une semaine. L'enfant se lève le matin, commence à regarder les différentes informations qu'il y a dans l'actualité, va prendre le petit-déj, discute avec ses proches, va voir différentes autres personnes autour, va s'amuser peut-être avec des copains, ensuite va peut-être à l'autre bout du monde faire, je sais pas, dans un sous-marin pour voir différents milieux aquatiques, etc., etc. Et tu vois pas un enfant faire ça, Sébastien, mais crois-moi que les enfants sont capables d'énormément de choses. Et les enfants autonomes, plus autonomes qu'aujourd'hui, sûrement, déjà beaucoup, beaucoup d'enfants, par exemple des milieux qui sont, je sais pas si vous connaissez l'école de Neuville, C'est une école autogérée par les enfants. Ils sont extrêmement autonomes. Vous pouvez leur faire faire. Ils font les cours aux plus jeunes. Ils font les échanges et correspondances seuls. Ils font la gestion des classes, la préparation des cours seuls, etc., etc. Donc ils sont extrêmement autonomes. Et je pense que les enfants du futur le seront encore plus qu'ils le sont maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu cette image d'un enfant inuit qui a un couteau dans la main et qui épluche, je crois que c'est un poisson, qui épluche avec un gros couteau dans la main, le gamin il doit avoir 2 ou 3 ans, qui épluche un poisson. Aujourd'hui les enfants on les fout dans du cellophane, pour pas dire plus, on les conscrit à une cellule très fermée, c'est-à-dire maison, école, et basta quoi. Voilà, c'est très très très très fermé. Alors qu'avant, je ne sais pas si on voit au Moyen-Âge, donc certes c'était conscrit au village, ou s'ils étaient chanceux, peut-être la ville, les enfants étaient très très indépendants. Ils voyageaient, ils se promenaient, puis même je vois au niveau de mes parents, ils se baladaient tout seuls dans la campagne, etc. etc. Ils revenaient pour manger, ou voilà. Donc c'est aujourd'hui, on est dans une démarche qui est complètement différente. Et oui, ma femme dit aussi, elle aussi. Enfin, ouais. On est dans une démarche qui est complètement différente et qui est vraiment très très très très fermée. Et je pense que les enfants n'en sont pas plus heureux. Ils sont de plus en plus abêtis par un environnement qui est toujours similaire. Et je pense que le milieu d'une BR, au lieu que ça soit circonscrit à quelque chose qui est au niveau d'un village, ça sera conscrit au niveau de quelque chose qui est au niveau de terre. Donc avec une possibilité de découverte illimitée, avec ben voilà, si je demande à mon enfant ou quelqu'un qui est proche de mon enfant de dire ben il doit rentrer pour manger ou j'aimerais bien le voir et tout, il pourrait être ramené en quelques minutes, etc. par un maglev par exemple. Ouais, mais il y a toujours l'école. Parce que Jacques Fresco a parlé d'école, il me semble. Que ça reste, qu'il y a toute une ceinture avec les écoles qui enseignent les sciences fondamentales comme l'agronomie, et l'océanographie, la physique, la robotique, etc. Donc c'est qu'il y a des écoles, quoi. Alors, c'est pas vraiment d'école qu'il a parlé, c'était vraiment de centre d'éducation. Et je le vois plus comme, comment dire, comme des grandes bibliothèques interactives, c'est-à-dire que un enfant vient, il regarde ce qu'il y a à voir, il va s'amuser, etc. Mais tout ça dans une démarche profondément ludo-éducative, c'est-à-dire que là je vois ma fille par exemple, je la mets devant l'ordinateur, elle va faire ses propres recherches toute seule, etc. Elle a 5 ans, sur internet, elle va sur YouTube, elle va paramètre son Linux, etc. etc. Donc c'est difficile pour nous d'extrapoler l'éducation qu'on a maintenant, l'éducation institutionnelle, l'éducation comment elle s'appelle déjà, enfin bref, l'éducation institutionnelle d'aujourd'hui à quelque chose qui sera complètement différent dans le futur, c'est-à-dire une éducation qui sera beaucoup plus interactive au point de vue des enfants, qui sera vraiment adaptée à la personne en fonction de son âge, qui est déjà accessible aujourd'hui entre guillemets virtuellement via le réseau CAN, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la CAN Academy. C'est un réseau en fonction de tes connaissances. Ben voilà, c'est comme, comment vous décrire ça simplement, un MMORPG. Si vous avez déjà joué, je sais pas, Warcraft ou tout des choses comme ça, vous avez des levels, etc., etc. Donc là, ça serait, vous apprenez par exemple les maths. Je sais pas, par exemple, tout bête, un moyen tout bête, avec de la, on peut imaginer de la réalité augmentée. On voit des plantes, etc. On voit, il y a un petit écran qui dit, ben voilà, ça c'est du rouge, etc., etc. Ça permet à l'enfant de savoir, ben voilà, ça c'est rouge. Je sais que ça, il y a 5 pétales. Si je multiplie ça par ça, etc., etc. Mais il peut y avoir un tas de choses très interactives, des informations entrecroisées qui peuvent permettre de faire évoluer l'enfant beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que les méthodes primaires qu'on a aujourd'hui, parce que c'est vraiment des méthodes primaires qu'on peut avoir aujourd'hui. Bien sûr, mais on pense toujours en termes d'encadrement. On pense toujours qu'il faut un encadrement strict pour de l'éducation, que c'est une personne adulte ou une personne plus âgée qui donne, qui éduque une autre personne. Or, c'est tout à fait faux. Par exemple, bon, moi je le vois avec l'éducation à la maison, c'était l'instruction en famille. On apprend autant l'un et l'autre. Il n'y a pas de, c'est vraiment un échange à chaque fois. Donc, on peut avoir des interfaces homme-machine, homme-machine-homme, etc., etc., qui nous permettent d'être interconnectés avec tout, non seulement avec d'autres personnes, en physique ou en virtuel, mais aussi avec des objets. Et pour tout ce qui est démarche manuelle, elle n'a pas forcément l'obligation d'être entourée. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête, et pas en fonction des enfants, on va prendre la cuisine, par exemple, pour mieux s'imaginer la chose. La cuisine, on peut autant commander son plat dans une RBE que préparer à soi-même à la maison son repas. Dans ce cas-là, bah, il suffit de se connecter aux meilleurs cuistots qui existent dans le monde, qui fournissent ces astuces, etc., gratuitement. On reproduit les mêmes gestes pour qu'on puisse savoir après comment on fait et pourquoi pas l'instruire à quelqu'un d'autre avec du partage de connaissances et améliorer encore ce qui a été proposé dans la vidéo. Mais c'est quelque chose de dur de s'imaginer un projet aussi complexe et un futur empli de technologies parce que si on dit à nos ancêtres tout ce qu'on a dans notre environnement technologique, ils diraient vous êtes fous, vous êtes contrôlés, etc., etc. Or, on sait très bien que c'est nous qui contrôlons l'ordinateur, même si on a pris l'habitude de dire que c'est la faute de l'ordinateur s'il tombe en panne, si c'est la faute de ça, si ça fait ça, etc., etc. Bien souvent, c'est l'erreur est humaine, elle est pas c'est pas la machine qui fait l'erreur, c'est l'humain qui fait l'erreur, que ce soit l'humain qui la produit ou l'humain qui l'utilise. Après, la solution définitive, c'est la mort. Hein. Bon, je pense qu'on, ça se trouve, on trouvera même mieux que la mort. Faut peut-être même pas que je dise définitive. Excuse-moi, Nicolas, j'ai vu ton petit bouton s'allumer. Non, c'est parce que j'ai affecté ma touche de i pour parler à la touche majuscule, donc à chaque fois je repasse en majuscule. Donc je rappuie pour passer en minuscule, tu vois. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser deux touches. Alors moi, j'ai pris la touche, enfin, à part si t'es sur Mac, mais j'ai pris la touche contrôle et majuscule. Ouais, je vais changer, là. Tout à fait, Thermitor. Et ça, c'est ce que je pense qui sera le plus raisonnable. Un peu comme la médecine, je pense que la médecine d'aujourd'hui est complètement inefficiente parce que justement, par exemple, pour un vaccin, les instituts vont dire oui, ça va marcher sur 30% de personnes et on sait qu'il y a une certaine minorité de personnes qui vont en mourir. C'est complètement aberrant. Voilà. Dans une EBR, justement, ça s'adaptera justement à chacun. Et ça peut être que la meilleure des solutions. Parce que s'adapter à tout le monde, on est tous différents, donc on ne peut pas s'adapter à tout le monde. Il faut que ça soit malléable, il faut que ça soit maniable, il faut que les outils soient maniables, il faut que ça soit un tout, mais vraiment un tout qui est de partout des spécificités, quoi. Par exemple, tu m'as fait penser à ça justement, Thermitor. J'ai discuté avec des pros véganes, végétaliens, Et ils m'ont dit oui, ça devrait être obligatoire, tout le monde devrait manger végétalien, pardon. Le truc, c'est que dans notre organisme, notre estomac a une biosmose, je cherche un mot facile, à des enzymes, à des bactéries, à un milieu vivant qui fait que normalement on devrait chacun avoir un régime en fonction de sa flore intestinale, voilà, de sa flore intestinale, de sa flore stomacale. On ne devrait pas manger tout et n'importe quoi. On devrait vraiment avoir en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on est à l'intérieur. Tout à fait, on peut modifier la flore intestinale, mais après, pour quelles conséquences? Déjà, je pense respecter ce qu'on est, ce qu'on a déjà dans notre corps, ça serait déjà un bond en avant incroyable. Et après, si on veut modifier des choses, il faut que ce soit des études à long terme, vraiment vérifiées scientifiquement, pas sur quelques mois, sur un échantillon de 3 pélos. Il faut que ce soit vraiment dans la continuité et avoir quelque chose de très très proche de la réalité. Ouais, mais attends, pour te répondre, Thermitor, il a mangé local pendant des millénaires, mais pendant des millénaires, il est mort entre 20 et 40 ans, quoi. Donc, voilà, il faut vraiment. Et attends, je lis ce que tu as tamiflé. Ah, bah ça on en saura peut-être plus après, Fleck, je sais pas. J'ai pas d'informations sur ta femme, donc je pourrais pas te dire. Sur le long terme, l'homme et son environnement s'adaptent l'un à l'autre. Je n'ai pas de réponse à ça, et puis l'homme peut adapter son environnement, ça c'est tout à fait possible, mais que l'environnement s'adapte à l'homme, je pense pas. L'environnement, tout ce qu'il cherche, c'est à se perpétuer. Et puis à évoluer dans la meilleure direction pour se perpétuer toujours. C'est, je ne me rappelle plus le terme scientifique pour ça, mais bon. Entropie. Bon, je crois que c'est celui-là, c'est ce mot. Je crois que c'est le. Tout à fait, Nico. Oui, Thermitor. Bah, réduire la pollution actuelle, je pense que c'est tout à fait faisable et en peu de temps. Le tout, c'est de s'en donner les moyens, et le système monétaire ne pourra jamais s'en donner les moyens. Et même si on était très très pollué, il y aurait toujours des solutions. Mais dans un système monétaire, les solutions sont très dures à trouver, elles sont vraiment très très dures. Parce que là, on parle pas juste d'une maison, de son jardin, on parle au niveau mondial, quoi. C'est. Bon, après, bon, vous aurez toujours certains pays qui diront que la pollution s'est arrêtée à une frontière, mais bon, après. Alors, pas forcément Thermitor. Il y a beaucoup de plantes qui permettent de faire revivre une terre qui est considérée comme non arable. Par exemple, le cannabis, très très bon. Ils ont expérimenté, nous, c'est où déjà? En Haute-Loire. En Haute-Loire, ils ont expérimenté un champ de cannabis pour filtrer, pour enlever la toxicité au mercure de la terre. Et apparemment, ça s'est bien passé, sauf que bon... Il y a des jeunes qui sont venus pour arracher les plantes. Voilà, il y a quelques jeunes qui sont venus en croyant que ce cannabis-là, enfin, ce chanvre, voilà, merci, ce chanvre-là se fumait, mais bon, ils ont eu une mauvaise surprise. bon, il n'y avait pas de... le chanvre a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs, comme beaucoup d'autres plantes très, très fibreuses, qui permettent de nourrir, enfin de faire un électrochoc à la terre, par exemple. Ben, déjà, quand ils en ont fumé un, ils ont dû s'apercevoir déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et parce qu'ils ont pas dû sentir grand-chose. Bon, après, moi je parle de chanvre parce que je connais à peu près le sujet tellement que c'est relayé. Mais il y a d'autres plantes, d'autres fibres qui sont connues pour ça, quoi. Mais pas dans mon milieu à moi, il faudrait plus voir le milieu scientifique qui est bien plus crédible que ma parole. Oui, c'est pour ça, après, voilà, il y a l'hydroponie, l'aquaponie, etc., etc., avec des principes de filtrage simples. On peut même penser à des éponges marines, etc. Enfin, bon, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Après, c'est notre imagination qui peut être limitée par rapport à ce qui peut se faire, quoi. Et pour aujourd'hui, ben, c'est l'argent, donc bon, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire à notre niveau pour le niveau mondial, quoi. Ah, on va passer à ta question peut-être, Sébastien. J'ai un ami docteur en informatique, quelqu'un qui fait surtout des maths, quelqu'un d'intelligent, ouvert à tout, mais dès qu'on parle de causes comportementales, il reste coincé à la notion de nature humaine. C'est le cas d'autres personnes que j'ai rencontrées. Que faire pour amener à une réflexion différente des gens qui semblent pourtant bien informés et ouverts à aller plus loin? Bah, y a des conneries télévisées, des émissions qui peuvent permettre de montrer qu'on peut changer la donne. Genre l'émission Un autre œil sur le monde, non. Non. Il y a une rendez-vous en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue, c'est des stars qui vont dans d'autres, dans des tribus très éloignées et très primitives, qui arrivent à s'adapter quand même au bout de quelques jours. Donc des stars quand même, des stars, chanteurs, films, etc. Enfin des célébrités qui vont dans des peuplades primitives. Pour vivre à l'identique. Donc c'est voilà, ça montre qu'on a une certaine adaptabilité, sur des courtes périodes de temps. Il y a un endroit vers Israël, vers Tel Aviv plus exactement. Je crois que c'est la colline de la paix, un truc comme ça. Je vous trouverai le lien juste après. Où il y a une Française dans les années 70 qui est allé sur place et qui a décidé de créer une zone neutre, paisible, où tout le monde pourrait vivre en harmonie, entre guillemets. C'est-à-dire que, quelle que soit sa religion, juive, chrétienne, musulmane, etc., etc., donc vous pensez à quelques kilomètres du mur qui sépare la Palestine, enfin qui séparait, parce que maintenant il est un peu plus éloigné, la Palestine d'Israël, c'était un projet quand même assez complexe à définir, à imaginer. Mais cette femme a réussi. En fait, donc les communautés au début n'étaient pas ont voulu tenter l'expérience, parce que c'est quand même, ça demande quand même une certaine motivation. Ont voulu tenter l'expérience. Leur formation, leur formatage de société a fait en sorte que s'entendent moyennement bien. C'est au niveau de la génération d'après. En fait, tous les enfants sont éduqués au sein de la communauté. Ils sont chacun de confessions différentes. Toutes les pratiques sont enseignées. Oasis de paix, ouais, voilà, je crois que c'est ça, oui. Toutes les pratiques sont enseignées, toutes les pratiques religieuses sont enseignées. Ce qui a donné des discussions très intéressantes autour des jeunes. Alors, peut-être que tu peux nous en parler, Flex, puisque c'est toujours moi qui parle, c'est pas très intéressant. Non, je viens juste donner l'info en fait, c'est pas... je connais pas le sujet. Donc, oui, c'est ça, oui. Enfin, établi conjointement, enfin, c'est une Française qui est plutôt établie, et c'est elle qui a ramené qui a créé cette communauté. Ah bon. Mais bon, ça, oui, les descriptions sont des fois assez. Enfin, il faut voir le reportage après. Donc, avec les échanges entre tous ces jeunes, qui sont maintenant adultes, ça a permis une certaine, comment dire, mise à plat du milieu spirituel, des religions, des confessions dans lesquelles ils étaient. Et ils sont arrivés à des points similaires, c'est-à-dire que au niveau des choses de base, des religions, c'est « fais pas de mal à ton ennemi », machin, truc, enfin, tout truc comme ça, « tu ne voleras point », blablabla. Ils sont arrivés à des choses similaires, ils ont développé leurs qualités philosophiques, qui ont fait en sorte que non seulement entre eux il y avait une excellente entente, mais en plus ils ont converti, entre guillemets, ils ont fait changer radicalement le point de vue de leurs parents, ils ont fait évoluer toute la communauté, ils ont permis de joindre d'une manière complètement pacifique, de manière complètement à l'extrême de ce qui peut être vécu dans ce pays. Nicolas, tu veux parler? Non. Ah, excuse-moi. C'est moi. Donc ils ont fait évoluer les choses de sorte que maintenant, ils vivent dans une communauté qui est très équitable. Il n'y a pas de problème, de dispute. Toi t'es de cette religion, toi t'es de cette religion, etc., etc. Et au contraire, ils ont plus assemblé leurs idées pour créer une forme de spiritualité tirée de toute leur religion que des religions décentralisées qui se foutent sur la gueule. Donc ça montre que même les personnes qui peuvent être les plus extrémistes, mis dans des conditions, dans un environnement différent, peuvent complètement changer. Et c'est pas une nature prédéfinie dès la naissance, dès qu'on a un environnement qui fait de nous ce que nous sommes, et c'est vraiment l'environnement, l'expérience qui nous construit au fur et à mesure, et on évolue sans cesse. Ouais, mais en fait, Attends, faut que je change de touche là. Ouais, Tamitor. En fait, d'abord, pour le changer, bah déjà, bah, il faut lui poser les questions que je t'ai posées. C'est-à-dire, et lui, comment est-ce qu'il explique que certaines personnes vont cramer des voitures en banlieue, alors que d'autres, en fait, vont vivre paisiblement dans un village. Dans un village breton, et puis donc si tu réponds ce que tu me dis là, que c'est comme ça, déjà premièrement, tu expliques que c'est comme ça, c'est pas du tout scientifique, et qu'il faut qu'il réfléchisse plus. Et ensuite, s'il cherche à comprendre, moi je prends toujours l'exemple simple, un peu que je viens de donner, c'est que un enfant qui naît en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, il a plus de chances de cramer une voiture que s'il naît dans un village breton en pleine campagne avec un père, une mère, qui a un boulot stable, etc., quoi. Et que si tu prends le bébé de la famille de banlieue tout de suite après sa naissance et que tu le mets dans la famille des Bretons, et que tu prends le bébé breton et que tu le mets tout de suite dans la famille d'une famille d'une génération d'immigrés en Seine-Saint-Denis, et ben du coup le bébé breton aura beaucoup plus de chances de finir par cramer une voiture en banlieue que le bébé breton. Voilà. Enfin, après tu peux prendre plein d'autres exemples. Il a des enfants? Bah, laisse tomber alors. Oui, ça c'est clair et net, oui. Bah allez-y, allez-y. Hein. Est-ce que vous avez regardé Resource Based on Economy de Jacques? Tenez, je vous donne le lien aussi de ce que je vous disais pour le documentaire. Vraiment très bien. Je pense qu'on l'est tous très bien. Je pense qu'on est tous très inquiets, pardon. De toute façon, si on essaye de colmater les problématiques d'aujourd'hui, on ne changera jamais rien. Alors j'ai reçu quelques questions assez, comment dire, sympathiques. Alors c'est une personne qui s'appelle Jimmy qui a demandé si je veux installer ma maison dans une ville Vénus sur un terrain qui est déjà pris, comment je fais? Un terrain qui est déjà pris par quoi, par exemple? Alors, dans une économie basée sur les ressources, dans une ville Vénus, je voudrais m'installer sur un terrain qui est déjà pris par une autre personne. Je voudrais faire installer ma maison, mais le terrain est déjà pris par une autre personne. Et la question, c'est comment je fais? Peut-être que dans les mentalités, tout simplement. De quoi? Peut-être que tout simplement tu le fais pas dans un cas comme ça, je sais pas, une histoire de notion de respect, peut-être, de choses comme ça, où tu t'arranges avec lui. Oui, c'est pas mal. Toi, Nicolas, qu'est-ce que tu dirais? Bah, vu la gueule des villes de Vénus, que ce soit là ou à côté. Je vois pas le problème. Ouais, il sera très bien tout ça. Et toi, Termitor, je vais te répéter la question que j'ai reçue d'une personne il y a peu de temps. Pas de souci. Si je veux faire installer ma maison dans une ville Vénus sur un terrain qui est déjà occupé, comment je fais? Après, je vous donnerai une réponse que j'ai donnée, vous me direz ce que vous en pensez. Ben, je sais pas, tu es dans une ville Vénus, puis il y a un gars qui vit sur un terrain et t'aimerais bien. Tu veux t'installer sur ce terrain. Comment tu fais? Alors c'est à la communauté de décider quels sont les meilleurs choix au niveau de l'occupation du terrain. Pourquoi pas? Donc j'ai mis. Oui, vas-y. Je pense pas non que la communauté doive devenir une dictature à ce niveau-là. Non, mais de Une toute façon, décision prise par le. Fresco avait déjà répondu à ça en fait. Je suis plus dans quelle interview. Il disait que de toute façon chaque maison était prévue pour être le pour que enfin pour avoir un haut niveau de vie quoi. Enfin pour qu'il n'y ait pas beaucoup, enfin pour qu'il n'y ait pas de grosses différences entre entre les maisons, quoi. Et que ceux qui étaient dans les immeubles, ils avaient accès rapidement à tous les magasins, à tous les services. Par contre, ceux qui étaient dans des maisons individuelles, eux, ils avaient le désavantage de devoir se déplacer pour aller pour les récupérer les biens, quoi. Enfin, les magasins, j'entends les réseaux de distribution, les théâtres et tout, tout ça, quoi. Alors lui, c'était pas l'objet de son truc, hein. C'était vraiment, je veux m'installer sur ce terrain-là, celui-là, pas un autre. Ouais, en imaginant que c'est à cause de rencontres spécifiques ou voilà quoi, pas forcément à l'accès que tu as. Ouais, si il a sa mère à côté, quoi. Ma femme, elle dit qu'il est chez sa mère. Bah, j'ai mis, par votre question, vous semblez projeter vos valeurs d'aujourd'hui dans le futur. Or, les valeurs, pensées, philosophies changent en fonction du temps et de l'évolution sociale. L'éducation fera en sorte de réfléchir de façon pragmatique dans la gestion des ressources, tant au niveau de l'alimentaire, vestimentaire, habitat. La question sera donc, il n'y a pas la ressource nécessaire pour m'installer ici, comment faire? La réponse dépendra de la situation géographique dans laquelle vous pourriez être, des matériaux et de la place disponible. Elle ne pourra être basée sur sa propre perception, qui sera tronquée par un point de vue trop local et suivant sa propre expérience. Pour être plus clair, imaginons que j'ai un pommier devant moi et qu'une personne vient de manger une pomme sur ce pommier. Ma réaction ne sera pas de lui prendre la pomme, mais de prendre une pomme qui est avoisinante. Alors voilà les questions. Et la réponse. Donc oui, Flex, c'était pas mal. J'en ai une autre bien juste après, c'est son avant-dernière. Sa dernière, j'ai pas encore répondu, ça va me prendre un petit moment. Oui, justement, c'est pour ça que je lui dis qu'il projette ses propres valeurs d'aujourd'hui. Alors, elle est pas mal l'autre. Hein. Vous voulez l'autre question? Ouais, mais là, il m'a pas demandé de préciser, donc j'étais assez vague, et puis apparemment ça lui allait, donc il n'y a pas de souci. Allez. Bonjour, j'aimerais savoir une autre chose. Je vous donne un exemple. Si je veux faire une mousse au chocolat, il me faut donc du chocolat. Mais si tout est produit localement, il y a des endroits où je ne peux pas avoir de fèves de cacao, par exemple en Europe, où le climat n'est pas adapté aux cacaoyers, plantes originaires des forêts équatoriales. Donc comment je fais pour avoir du chocolat? Serait-il quand même importé par train maglev ou cargo Vénus? D'une manière générale, je pose la question de la limitation d'une production locale, en particulier alimentaire, car je ne pense pas qu'on puisse faire pousser n'importe quelle plante partout, même avec les nouvelles technologies et techniques d'agriculture. Là, je vous ai copié la réponse. Alors, qui veut commencer à essayer de répondre? Alors moi, ça me dérange pas de manger bah, que local. Ça me dérange pas de pas manger de banane ou pas manger de chocolat, donc ça me pose pas de problème. Ok, flex. A priori, je suis dans le même cas que Nico, je pense. Mais après, en fait, après si ça coûte pas trop cher, enfin, tu vois, il peut y avoir des convois exceptionnels qui amènent certains produits, si c'est pas trop cher en ressources, quoi. Pour le confort, quoi. Yep, je vois ce que tu veux dire. Ah, attends, je regarde ce que Termiton a répondu. C'est ta réponse, Termiton? Ça peut être une solution. Trouver des solutions. Si vous voulez rajouter des choses, faites-le, hein, il n'y a pas de souci. J'apporterai ma pierre quand vous le voudrez. Ça pourrait être une bonne réflexion aussi, Thermitor. Alors, je lui ai répondu. Bonsoir, je vais décomposer votre question. La technologie est-elle disponible pour produire localement des fèves de cacao? En effet, la technologie est disponible. Des techniques comme l'aéroponie, l'hydroponie, la NFT, le goutte-à-goutte, etc. permettent une production locale de n'importe quel type de denrées dans des serres respectant leur écosystème d'origine. Comment avoir du chocolat? Donc nous avons nos fèves. Au choix, soit une personne décide de venir chercher l'aliment, ou bien elle le commande. Dans le cas où elle le commande, un bras robotisé, donc je vais montrer un exemple de bras robotisé, peut reconnaître l'aliment demandé, le cueillir avec soin, le déposer dans un tuyau à vide qui le guidera directement chez vous, en calculant en temps réel si la démarche de cueillir ce fruit est durable ou non. Encore un choix de votre part que vous pourriez définir dès le départ, la préparation du chocolat. La confection du chocolat requiert beaucoup de matériel et la démarche sera plus longue si l'on veut le faire soi-même, comme lorsqu'on le ferait normalement à la cuisine. Donc nous avons juste observé Nous allons juste observer la commande effectuée à l'ordinateur central. Vous lui avez demandé du chocolat. Les fèves vont donc lui arriver via un tuyau à vide. Un bras robotisé récupère les fèves, recherche dans sa base de données comment nous faisons du chocolat parmi la bibliothèque des milliers des meilleurs cuisiniers du monde et suit les instructions machine. Une fois le chocolat prêt, un système de livraison par tube pneumatique ou autre enverra votre chocolat. Comment avoir ma mousse au chocolat? Comme vous l'avez sans doute compris, il suffit de répéter le processus précédent. Ce genre de système est déjà existant et est très facile à mettre en place et à programmer, en espérant vous avoir apporté des informations supplémentaires et répondu à vos questions. Dans la réponse, quand tu parles à un moment de l'EB, de comment que la machine calcule, si par rapport à l'EBR, c'est quelque chose d'effectivement faisable ou pas. Est-ce que dans l'EBR, du coup, on prend en compte la rareté de la demande, par exemple, c'est-à-dire si quelque chose n'est pas beaucoup demandé, on peut imaginer que ce soit gérable, mais si elle devient demandée par beaucoup, elle ne l'est plus. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je parlais. Alors attends, dans ce que je vous ai copié à la fin, peut reconnaître l'aliment demandé, le cueillir avec soin, le déposer en tuyau à vide qui le guidera directement chez vous, en calculant en temps réel si la démarche de cueillir ce fruit est durable ou non. C'est-à-dire s'il y a trop de demandes pour ce fruit, bah, la machine le calculera en temps réel, ou si justement il y a une très grosse abondance, dans ce cas-là, bah, vous aurez le choix de demander plus ou moins de fèves, entre guillemets. Alors, je viens d'avoir un message par coordinateur pour vous. Ah oui, c'est un gros souci, ce mousse au chocolat, ça c'est... Ça va être dur hein, dans le futur. Tout à fait. Alors le message c'est, pouvez-vous demander à vos membres de s'inscrire sur le groupe France, sur le site du TVP Activisme. Et s'ils utilisent des noms différents ou s'ils utilisent juste un seul login. En fait, toi, tu supposes ben, qu'il y a un réseau de distribution personnel qui arrive chez les gens avec un tuyau à vide? Oui, Fresco avait parlé que du tuyau à vide, donc j'ai juste répété son exemple. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, quand tu parlais des personnes qui doivent se déplacer jusqu'au centre de production, les personnes pourront toujours aller au centre de production, mais ils auront un système de distribution. Que les centres, enfin, les biens sont produits dans les centres de production et ensuite ils sont acheminés dans les centres de distribution. Au centre de la ville. Oui, tout à fait. Bah, t'as les matières premières qui arrivent, donc soit c'est des. Soit c'est. Bon, on va parler juste niveau bouffe. Matières premières qui arrivent, qui sont. Qui viennent des ceintures les plus extérieures. Ensuite, qui vont jusqu'à la ceinture intérieure. Ceinture intérieure, en fonction de ce que demande la personne, bah, il sera produit la denrée qui demande. C'est-à-dire, bah, je sais pas, tu demandes une pizza, tu demandes une pizza, bah, la machine va te produire une pizza. Et ensuite, soit c'est posé devant, je sais pas, toi, par exemple, tu t'imagines. Bah, quelle machine ? Hein ? La machine directement dans le centre de production va faire une pizza ? Oui, c'est totalement faisable, oui. D'accord. Okay. Et ensuite, elle va directement envoyer la pizza du centre de production aux appartements des gens, quoi. Voilà, il peut y avoir au choix, soit à... Oui, par exemple, oui, Terminator. Soit t'as la personne qui va jusqu'au centre parce que bah voilà, elle était au centre d'éducation, au centre culturel, ou en train de faire du sport. Donc elle va directement au centre de distribution et elle regarde sur un écran digital, ce qu'elle pourrait bien bouffer et tout. Elle clique sur, elle sélectionne en fonction de son. On peut s'imaginer aussi un profil en fonction de un profil médical et tout. En fonction de son profil médical, elle choisit ce qu'elle veut. Et puis soit ça lui est retourné à l'endroit même, soit c'est, ça lui amène directement chez elle. Tout dépend. Enfin, on peut imaginer un tas de systèmes et tout ça, c'est très très faisable. Et ça serait vraiment facilement, facilement mis en place, quoi. Alors, moi, dans un premier temps, en fait, moi, la technologie, ça me pose pas de problème, j'arrive très bien à l'imaginer. Mais par contre, entre nous, ça va, mais je pense que pour une communication extérieure, quand les gens posent des questions, je pense qu'à mon avis, il est préférable d'en rester au centre de distribution, de manière à ce que ce soit. Que ce soit pas trop. Enfin, que ça demande pas trop d'efforts d'imagination aux gens, quoi. Ouais, mais tu vois, si je suis incomplet, après on va me reprocher que je suis incomplet. Je préfère être complet, qu'on me reproche que je sois complet, qu'être incomplet et être reproché d'être incomplet. Ouais, mais quand tu dis que c'est facilement faisable, je suis pas d'accord, quoi. Un réseau de distribution entier, maison par maison, tout ça, quoi. Là, ça commence à devenir complexe. Hein. Non, non, c'est pas du tout complexe. T'as bien vu dans Future by Design, par exemple, tu vois, quand ils présentent la ville circulaire, tu vois, au début, ils présentent les souterrains, entre guillemets, avec les tuyauteries. Avec des gros guillemets qui font passer certains des câbles, certains des denrées, certains des machins, et tous sont déjà connectés, et bien avant encore que les maisons soient posées. En fait, les maisons, elles sont pluguées sur le système de distribution. Flex, tu t'es mis sur le groupe France TVP Activisme? Voilà, on voit de toute façon dans la cinématique de la ville Vénus les trois réseaux de galeries. C'est plus joli le réseau de galeries, je préfère. Les trois réseaux de galeries, tu vois, qui représentent en fait déjà la ville circulaire, et tu as juste à t'imaginer des sorties à chaque position de maison, et après en fonction de ce que les personnes désirent comme maison, les maisons sont pluguées sur les endroits, quoi. Comme si tu connectais un port USB à un ordinateur. Enfin, pas un port USB, une clé USB, pardon. Donc comme ça, il n'y aura pas besoin de retourner tout le pays pour faire passer trois nouveaux câbles, etc. etc. Donc ça serait beaucoup plus pratique. Oui, les deux liens que j'ai donnés, le groupe de discussion francophone et le groupe TVP France. Ok. Oui, c'est clair. Et le tout, c'est de prévoir dès le départ, quoi. Donc recenses les ressources disponibles sur place, tu construis tes réseaux souterrains pour ta ville. Ensuite, tu construis ton point central et puis après t'annexes les autres choses en fonction de la topologie, en fonction de tous les paramètres possibles dans l'environnement proche. Alors, vous venez voir Flex et Nicolas, TVP, vous venez voir le badge de TVP Activisme s'afficher à côté de pseudonyme. Ça vous donne un pouvoir de parole supplémentaire, entre guillemets, surtout pour les réunions internationales. Donc, si vous avez des questions à poser pendant les réunions internationales, ben, vous pourrez les poser. Vous aurez le pouvoir de parole, entre guillemets, de les poser en plus pour éviter les trolls. Donc Termitor, pour pouvoir avoir ça, il faut juste s'inscrire sur le groupe TVP France et le groupe de discussion francophone. Voilà, c'est tout. Zolive. De la pizza. Ah. Non, non. Quand tu penses pneumatique, c'est souvent tu penses système d'aspiration basique. Mais c'est sûr que là, ça serait plus de la pizza, ça serait de la purée. Non, non, il existe bien, bien, bien des méthodes de circulation pneumatique. Ah, j'en cherche là, mais... Je me souviens avoir vu ça dans le magasin Nike à Chicago pour faire monter des baskets d'un étage à l'autre. Mais à part ça, j'ai vu ça nulle part. Je cherche, hein, je suis sur internet. Bah, tu vois, ça peut être des vérins pneumatiques ou ça peut être une solution hydraulique. Ça peut être, enfin, il peut y avoir beaucoup de solutions et encore les tubes comme ça. Et on peut imaginer tout à d'autres choses. Enfin, ça peut être. Voilà. Et voilà, ça peut être aussi conditionné hein, avec du matériel biodégradable que tu renvoies au centre après. Si dans les cartons de pizza, tu sais que les mecs nous livrent en scooter, mais maintenant t'as les, je sais pas si t'as remarqué, mais quand le carton, t'as des petits trucs au milieu de la pizza là pour que le carton appuie pas sur la pizza, pour pas que ça colle au carton. Donc tu vois, il y a plein de solutions qui pourraient être mises en place, je pense. Oui, des petits trucs en pétrole. Ouais, bah si vous avez des liens sur la distribution par tuyau à vide, je veux bien. Nicolas, tu connais bien le fonctionnement des vérins pneumatiques, par exemple. Un vérin pneumatique, ouais, je vois ce que c'est, ouais. Bah, imagine qu'à la place du... Oh merde. Du truc qui sert à appuyer, à pousser sur l'air. Enfin bref, imagine que ça soit qu'il y ait dessus une tige qui ressort avec un plateau. Et sur le plateau, ça serait une boîte. Et ce truc pourrait aller très très vite sans détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Non, là, je vois pas. Là. En fait, là, on parle de déplacer une pizza du centre d'un centre de production jusqu'à la maison de quelqu'un. C'est ça? Oui, c'est qu'un exemple, bien sûr, mais... Non, mais le truc avec des tuyaux sous vide d'air, ouais, je comprends, ouais, ça va. On peut passer, c'est bon. Alors, la question à laquelle je vais me casser les dents là, d'ici demain ou après-demain, je pense l'échange. Bonjour, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre système. Ok, disons que demain nous décidons de tout automatiser pour résoudre les problèmes sociaux. Le souci, c'est que certaines entreprises vont dire, ok, super, mais ça coûte cher. Comment dépasser ce problème? Car c'est beau de tout automatiser pour résoudre les problèmes sociaux. Mais certaines entreprises, parce qu'elles n'ont pas l'argent ou qu'elles ne veulent pas continuer à embaucher des êtres humains exclusivement, ne dépasseront pas ce problème. Bah, il a pas compris encore. Ouais, je vois qu'il se passe dans un système de BR et pas dans le système actuel, forcément. Ouais, là il parle de transition là. Enfin, sans trop savoir d'ailleurs. Le BR, c'est ce qui est après, quoi. Alors, imaginez-vous que vous l'avez en face de vous, ou qu'il est même sur le salon, et qu'il vient de vous poser la question. Tu comprendras jamais rien. Allez, dégage. Thermitor pense que je l'ai moi que par échange email et qu'on échange un email une fois une fois tous les 4 jours quoi. Et j'aime pas rester sur des questions inachevées puisque ça peut durer très très longtemps et je sais d'expérience. Non, mais là, de toute façon, il faut que tu leur expliques bah, complètement que le BR, c'est le système qui vient après le système actuel et que c'est pas et que lui, il parle de la transition. C'est tout, quoi. Il faut que tu leur expliques ça. Bienvenue, Curious. Oui, Oui. c'est une possibilité, oui. Mais il y a celle-là où ne pas lui expliquer, quoi. Peut-être une solution, mais c'est pas la solution qui sera la plus pratique pour le Venus Project. Surtout pour une personne qui a l'air d'être un peu intéressée quand même, sinon elle m'aurait pas mailé. va décomposer la question. Nicolas, il y a quelque chose que je comprends pas dans votre système. Disons que demain, ok, on décide de tout automatiser et tout pour résoudre les problèmes sociaux. Le souci, c'est qu'il y a des entreprises qui vont dire « Ok, super, mais ça coûte cher. » Dégage, tu comprendras jamais rien. Si c'est une volonté de l'État, par exemple, ça va pas forcément être pris sous cet angle-là, non? Je sais pas. Non mais là, bah écoute Sébastien, la transition entre le système actuel et le BR n'est pas encore définie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le BR, c'est un système qui est sans argent. Donc on ne dit plus combien ça coûte, mais est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Donc ce dont vous parlez, c'est plutôt de l'ordre d'une transition entre l'ancien système et le nouveau. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer en détail ce qu'est le nouveau système. Ça va là? Ça va, ouais. Bah, nickel. Mais attends, je veux bien, mais comment on peut dépasser alors ce problème? De se dire ok super mais ça coûte cher. Flex. Parce que là Nicolas il m'a répondu mais comment on peut dépasser alors ce problème de se dire ouais l'argent. L'éducation. Il faut que tu l'orientes, je pense, vers différents documentaires ou des choses comme ça qui peuvent expliquer ces choses-là. Je sais pas. J'ai pas de réponse très précise là-dessus. Je pense pas. Alors, on veut résoudre les problèmes sociaux par un changement de valeur, donc il faut changer les valeurs. D'accord, parce que c'est bien beau de tout vouloir automatiser comme ça pour résoudre les problèmes sociaux, mais bon, ok, il n'y a pas d'entreprise, pas d'argent, ça va être dur à dépasser ce problème-là. Donc, comment ça va se passer la transition? Est-ce que vous savez comment ça va se faire cette transition? Ouais, donc alors la transition ne viendra certainement pas des institutions qui sont en place. Elles viendront d'une collaboration à l'instar du système open source. Et après, je dis bah, que ce sont les scientifiques qui construisent déjà aujourd'hui et construiront tous les systèmes. Ah, je sais pas, vas-y, dis-moi. Bah, je sais pas, il y a Terminator qui a l'air de savoir. Terminator, est-ce que tu peux me répondre à comment ça va se passer cette transition là? C'est quoi la transition pour aller vers ce truc sans argent et tout? Ça me botte bien. Ah ouais, mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment on passe de cette société-là à celle du projet Venus. Flexo Nicolas. Un grand chaos. Non, mais c'est pas défini. Hein. Il ferait ce qu'on a dit, que pour lui, ça ne passerait que par un effondrement, mais sinon, il y a pas d'infos dessus. À part le fait que ce soit les scientifiques qui. Donc la solution viendra des scientifiques qui créeront les technologies comme un système open source, quoi. C'est tout. Bon, vous me lirez ça, les gars. Bah, si vous avez des soucis en anglais, il suffit de passer par Google Translate. En principe, cette page, c'est bien. Non, mais tu parles de déclarer les ressources comme héritage commun de tous les peuples? Y a pas que ça, y a pas que ça. Non, mais enfin, je l'ai lu, ça, hein, mais... Mais ça se passera pas comme ça. Tu pourras pas faire une transition de cette manière, quoi. Et ça explique pas comment passer entre l'ancien et le nouveau système. Il n'y a pas de transition en fait entre les systèmes. C'est toujours des changements qui sont perpétuels. Les systèmes sont toujours en permanence évolution. Et si vous voulez, dans les objectifs proposition du projet Venus, ça propose quelque chose pour agir de manière pragmatique sur l'émergence d'une nouvelle chose. Donc c'est-à-dire que tout d'abord on fait la ville test. Bien sûr, je jump les films, le livre, etc. On fait d'abord la ville test qui servira de centre de planification pour les futures démarches de ville. Donc ça, c'est tout à fait possible parce que, au vu des organisations qui soutiendront après le film et déjà en ce moment, ça peut être faisable. Mais je pense que même aujourd'hui, c'est déjà faisable. Enfin bon, ça après, c'est mon avis perso. Ensuite, l'étape suivante, c'est construire une ville, comment dire, touristique, d'attraction, un peu comme la Cité de la Science à Paris. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Avoir une ville grandeur nature où tout est démontré, tout est fonctionnel, où les gens n'habitent pas là-bas, mais tout est visible et les gens peuvent essayer. Ensuite, répliquer à partir de la première ville test, pas de la ville de démonstration pour le grand public, mais de la ville test, d'autres villes à différents endroits de la planète et faire émerger différentes cités d'une façon croissante et exponentielle sur différents endroits de la planète. Et ça, c'est tout à fait faisable au vu des différents liens qu'on pourra entretenir. Et c'est pour ça qu'on veut communiquer d'abord vis-à-vis des grands médias. Parce que si on part de la base, c'est quelque chose qui est très bien. Je ne suis pas du tout contre ça et je ne m'exprime pas dans ce sens-là. Si on part dans ce sens-là, c'est toujours problématique parce que pour remonter après vers les environs médias, déjà à la base se retourneront contre nous. Par exemple, je sais pas, si on prend l'exemple de n'importe quelle association anti-gouvernement mondial ou d'association, quand je dis association, c'est association de personnes, mouvement Zeitgeist et tout, ça sera si vous contactez machin, c'est machin de Rockefeller, c'est le truc de truc, enfin bon, bref. Ça sera très négatif vis-à-vis de la communauté. Alors que si on contacte directement les grands médias pour qu'il y ait une très large diffusion d'une façon assez synchronisée, comme là on va le faire sur à peu près 2 ans, il y aura déjà beaucoup plus de ça portera déjà beaucoup mieux ses fruits au niveau de la récupération entre guillemets des personnes, des directeurs d'entreprise, des personnes lambda, des techniciens, des scientifiques, etc., etc. Le but de construire cette première vie de test peut se concrétiser très rapidement, comme je l'ai dit, et c'est celle-ci qui fera l'émergence des nouveaux systèmes. Et la démonstration via, par exemple, la cité d'attraction peut séduire, et séduira, j'en ai pas de doute, des pays. Bon, là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit parce que, avec par exemple Exemplar Zéro, ils font pas mal de trucs pour Jacques Fresco, notamment en Mongolie. Ils pensaient qu'une cité Vénus se construirait en Mongolie. C'est pas quelque chose à exclure, mais c'est pas quelque chose qui est dans. Je dirais dans les cartons qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément à exclure, c'est quelque chose qui est très très faisable. Donc en fait, là. La transition, il n'y en aura pas, ça sera un changement, ça sera une évolution avec la démonstration de ce qui est faisable. Si par exemple les gens n'avaient jamais démontré comment fonctionnait un télégraphe et qu'ils parlaient de télégraphe sans arrêt, télégraphe on l'aurait jamais eu, on n'aurait jamais pu communiquer et avoir les évolutions qu'on a eues après avec, avec Cramwell et c'est tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris. Ok, ouais, donc c'est vraiment sur